couple, c'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Le président s'est prononcé pour un isolement contraint des malades du Covid. Contraint, on l'écoute. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. On peut imaginer que chaque individu accepte volontairement ou sans le savoir une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Tout d'un coup, on veut republier les textes antisémites de Céline. C'est un scandale. On est là encore. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez nous tuer? Ben dites-le plutôt clairement. Disons le mot, vous avez été antisémite. Exactement, dans la mesure où je supposais les sémites nous pousser dans la guerre. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 7, épisode 27. Je procède au rappel traditionnel de notre émission. Si vous souhaitez nous écrire, faites-le à l'adresse suivante, dempart@dnmx.org. Je répète, dempart@dnmx.org. Vous pouvez aussi participer au forum Europe Écologie Les Brins, eelb.su, eelb.su. Il y a des petits problèmes d'inscription avec le DNMX, les noms de domaine DNMX, parce que ça passe par le Dark Web, donc c'est considéré comme du spam. Si vous avez des adresses e-mail alternatives, vous pouvez essayer. Il y a par exemple Skiff, skiff.com, qui propose une alternative uniquement pour s'enregistrer quelque part. Donc c'est aussi du chiffré, ça peut être utile quoi, pour s'inscrire par exemple. Voilà pour ça, donc sur le forum, hein, toutes les catégories habituelles, vous connaissez ça, guide racial des vides, si vous voulez emménager quelque part et savoir de quoi elle retourne, vous pouvez vous y référer. Si au contraire vous vivez quelque part et vous voulez décrire la situation chez vous, faites-le, n'hésitez pas, ça peut être un quartier, ça peut être une ville, ça peut être une région, un département. Crypto. Aussi, si vous avez besoin de, si vous posez des questions sur les cryptos, notamment Monero, il y a eu une mise à jour de Monero là cette semaine, donc vous pouvez si vous posez la question, vous pouvez vous y référer. Les questions crypto en général, l'informatique bien sûr, révisionnisme, catégorie qui est animée notamment par Vincent Renoir, qui nous fait le plaisir, le privilège d'y participer, qui met à disposition son contenu, qui répond aussi aux questions, le blabla général sur tous les sujets, etc., etc., etc. Vous pouvez y participer. Je vais procéder à la présentation des membres de cette semaine. C'est l'été, hein, il fait chaud. Qui est avec nous cette semaine? Eh bien, on le découvre tout de suite. Premièrement, Sobieski. Salut Sobieski. J'espère que ça va aussi bien que ça puisse aller. Hein. Eh bien, écoute, ça va bien. Et ça me fait penser que cet été était assez tranquille. Parce que l'an dernier, avec les manifs, on s'était bien amusé. Et cette année, ça fait comme un petit vide. Ça manque le qui. Oui. Ah, là. Oui, ça manque, c'est sûr. Est aussi avec nous cette semaine Nogaret, deuxième émission de Nogaret. Merci à lui de nous rejoindre. Bonjour à tous et merci à vous de m'accueillir. Et enfin, habitué maintenant de l'émission, Vincent, qui est aussi avec nous. J'espère qu'il se porte bien, Vincent. Oui, bonjour, je me porte bien et j'espère que tout le monde se porte bien en cette fin du mois d'août où en effet ça a été assez tranquille par rapport à l'année dernière, mais peut-être que la rentrée annonce des choses. Je pense aussi, vous pouvez suivre Vincent sur son site internet, blog blogue-sc.com. Vous trouvez tout son contenu, les vidéos qu'il produit, bien entendu. Vous pouvez aussi le soutenir financièrement là-bas. J'ai une petite question, mais je pense que le problème n'a pas été résolu à ce stade. Ta librairie de vente en ligne n'est toujours pas opérationnelle pour des raisons de problèmes de paiement. Tu n'as toujours pas trouvé de solution à ce niveau-là, je pense. Alors, nous avons trouvé une solution. Elle est en train d'être mise en place. Donc, si tout se passe bien, la boutique devrait rouvrir au mois de septembre avec le retour de ce qu'on vendait déjà, plus des nouveautés, dont la grande nouveauté qui sera le livre, la mise à jour du livre de Radour qui est paru maintenant, voilà, 25 ans. Oui, et dont tu avais parlé dans une émission, effectivement. Et pour ceux qui suivent évidemment le site Démocratie Participative, vous trouvez chaque semaine la diffusion d'au moins un chapitre de la série exceptionnelle de Vincent sur le Troisième Reich, le national-socialisme et sa réhabilitation. Alors, c'est une longue série qui commence en 1918, ça parle du contexte général, hein, idéologique, historique, géopolitique, social. De nombreux faits qui ne sont jamais abordés, par l'histoire officielle, hein, qui sont occultés ou maltraités, volontairement ou involontairement. Et c'est vrai que c'est un travail de synthèse particulièrement utile, précieux, que l'on soit national-socialiste ou non, hein, je veux dire, c'est quand même un apport considérable d'un point de vue critique. Et vous trouvez ça chaque semaine dans la partie de la rubrique média du site. On se fait toujours un plaisir de le diffuser, c'est très très utile. Alors il n'y a pas que ça, parce que Vincent fait aussi des vidéos qui sont plus liées à l'actualité, mais ça vous pouvez les retrouver sur son compte gab.com en tapant simplement Vincent Renoir. Hein. Vous trouverez ça dans la barre de recherche, donc c'est le réseau social que Vincent utilise, mais sinon il y a tout simplement son site internet que j'ai cité. Voilà pour les rappels les plus importants sur cette question. Alors je suis content que la librairie revienne prochainement en ligne et que tu aies trouvé une alternative pour les paiements. Je passe maintenant aux dons à nos donateurs pour les remercier, ceux qui nous permettent de continuer, sans lesquels ce serait totalement impossible de poursuivre, pour faire face à la censure, etc. Ce serait impossible, tout simplement. Donc merci à tous, les anonymes qui ne nous écrivent pas, qui ne veulent pas se signaler, mais qui nous envoient des dons et qu'on ne manque jamais de voir chaque mois, on sait qu'ils font la différence. Et il y a ceux qui veulent qu'on les remercie durant l'émission. C'est très normal et ça nous fait très plaisir. Auquel cas, il faut nous envoyer un petit message à l'adresse email précitée pour nous signifier le don et nous dire si vous avez besoin d'une confirmation ou nous dire que vous voulez remercier à l'antenne. Alors, don numéro 1, bonjour à toute l'équipe de DP. Je vous informe par la présence de mon don de 1 Monero. Je serai très honoré d'être cité comme donateur dans la prochaine émission. Salutations amicales et c'est Ferdinand. Ferdinand, ce don est confirmé. Hein, ce don est confirmé. Merci à toi pour ce don substantiel et pour tes encouragements très amicaux. Don numéro 2, cher démocrate, j'ai eu le plaisir de vous envoyer mon premier don aujourd'hui, le 25 juillet, vers 17h, pour un montant de 0,33 Monero. Auriez-vous l'amabilité de confirmer sa réception? Bien à vous, et c'est Tortue Têtue. Alors, Tortue Têtue, comme tu le sais, on a confirmé ce don par écrit. Je le reconfirme à l'oral maintenant durant l'émission. Le don est bien passé. Nous te remercions. Alors, il y avait eu un petit gap de temps puisque DNMX avait été indisponible pendant environ une semaine. Il y avait un petit problème technique de leur côté. Mais tout a été restauré. Mais dans le laps de temps, il y a certains emails qui ne nous ont pas parvenus. Donc, n'hésitez pas à nous relancer le cas échéant. Donc, merci, Tortue Têtue. Don numéro 3. Bonjour, messieurs. Utilisateur Monero de longue date, je n'avais pas encore franchi le pas du mécénat, mais c'est désormais chose faite. J'ai donc réussi à prendre un peu de temps depuis le fin fond de ma geôle américaine et commencer par faire un don pour soutenir notre ami Vincent. C'est maintenant au tour de DP de recevoir 0,20 Monero, ce qui est, j'en conviens, assez peu, mais je ferai des dons de manière plus régulière. Il n'y a jamais de petits dons. Il n'y a jamais de petits dons. Hein. Continuez comme ça et je vous inviterai dans ma datcha de Novosibirsk pour fêter ma sortie de prison qui, je l'espère, arrivera sous peu si Vladimir accepte de m'échanger contre Britney Griner, la basketteuse Gwyn et négresse. Je ne pensais pas valoir si peu. Merci de me citer durant l'émission. Amicalement, et c'est signé Victor. Merci, cher Victor. Pour ce message très humoristique. Oui, effectivement, je suis très fasciné par les prisonniers politiques américains en Russie. C'est une histoire authentique, hein. Britney Griner existe vraiment. Hein. C'est une mulâtresse américaine, Gwyn, mariée à une femme noire. C'est tatouée de partout. Enfin, c'est cauchemardesque. Effectivement, elle a récolté 9 ans de prison là-bas pour avoir, comment dirais-je, essayé d'introduire sur le territoire russe, vous serez surpris, de la drogue. Hein. C'est rare hein, avec les Noirs. Alors, je pense qu'il y aura beaucoup de négociations croisées entre les Américains et les Russes pour trouver une solution à ces, comment dirais-je, à ce petit problème, comment dirais-je, de stupéfiants, de détention stupéfiants. Alors, messieurs, sans transition aucune, on va commencer l'émission du jour avec notre rubrique courrier des lecteurs. Alors ça, j'ai trouvé cette anecdote très très drôle. C'est pas qu'elle nécessite de commentaires véritablement, mais elle est vraiment délicieuse. C'est Vinaigre Blanc qui nous fait le plaisir de nous écrire et qui nous dit ceci. Alors je vous dis ça tout de suite. Hein. Voilà, chère équipe de la rédaction, je me permets de vous envoyer une photo qui témoigne d'un phénomène insolite se déroulant à la Joliette, un quartier de Marseille en phase terminale de remplacement. Arthur de Gobineau est un diplomate et écrivain français du 19e siècle, connu pour son sulfureux essai sur l'inégalité des races. Après enquête de voisinage, il s'avère que ce militant anonyme sévit depuis plus de 20 ans, inscrivant encore et toujours Gobineau sur les trottoirs alentour. En dépit des caméras de surveillance et des hordes de maghrébins qui déambulent dans les rues jour et nuit, cette personne, donc, apparemment, n'a jamais été appréhendée. Jamais. Salutations et merci pour votre travail. Donc, c'était Vinaigre Blanc qui nous citait ça. Alors, il m'a fait parvenir copie d'une photographie prise in situ, et c'est absolument authentique. C'est pas du tout faux. Hein. Il y a vraiment quelqu'un qui écrit en peinture blanche Gobineau sur les trottoirs du quartier de la Joliette à Marseille. C'est absolument vrai. J'ai adoré cette façon de troller qui mériterait probablement d'être réitérée partout, franchement. Et il le fait de manière très efficace. Voilà. Alors, merci pour cette anecdote, cher Vinaigre Blanc. Elle a été citée à l'antenne comme il se devait. Avis à nos auditeurs qui seraient des artistes en herbe et qui manqueraient de thèmes pour, comment dirais-je, donner libre cours à leur passion scripturale. Allez-y, vous avez de quoi faire. Alors, éventuellement, comme je disais, ça n'appelait pas vraiment de commentaires, mais est-ce que vous voudriez dire un petit mot alors, si ce n'est là-dessus, c'est sur Gobineau ou je ne sais pas, enfin, quelque chose, un mot est-ce que ça vous inspire une petite réflexion ou pas spécialement? Si, pour ma part, je noterai simplement le fait que, ayant lu Gobineau il y a quelques années maintenant, je peux dire que c'est une lecture que je conseille à nos auditeurs. Vous la trouverez facilement sur le site de la BNF, vu que c'est un vieil ouvrage, c'est 170 ans, et ça marque encore un intérêt à être lu. C'est un style classique, donc assez agréable à lire, pas trop scientifique. Et en plus, il y a encore des réflexions tout à fait d'actualité dans l'ouvrage. Lesquelles, par exemple ? Je dirais qu'une qui m'avait marqué à l'époque, c'était notamment sur le débat qui a encore lieu, c'est-à-dire à savoir si le peuple crée la culture ou si la culture va influencer le peuple. Et lui, très clairement, il va dire que la culture découle de la race. C'est finalement, nous ne sommes pas, par exemple, ce que vont dire les gauchistes, une sorte de pâte à modeler qu'on peut changer par la culture, par le changement des mœurs, etc. Lui, il dit non, ça c'est impossible. Si, la culture ne convient pas au peuple, elle sera irrémédiablement changée. Ah, c'est très intéressant ça. La question donc de la culture, de l'acculturation, des influences étrangères, la question du sang, de l'apport du sang étranger ou pas, c'est vraiment très, très intéressant ça. Ouais. Quelqu'un d'autre éventuellement sur cette question ? Moi je voudrais juste dire que déjà, qu'il n'ait pas été appréhendé par les maghrébins du coin, ça ne m'étonne pas, parce que je ne pense pas qu'il y en ait un seul qui connaisse Gobineau. Là-dessus, c'est bon. Voilà. Et par contre, ça me fait penser à autre chose. Le charmant auditeur nous dit que malgré les caméras de surveillance, il n'a jamais été appréhendé. Et ça me fait penser justement à celui qui a apposé le graffiti en 2020 à Oradour. Oui. Donc sur le centre de la mémoire. Et on avait dit qu'il y avait des caméras de surveillance donc qu'on avait trouvé une voiture, patati patata. Et depuis, il n'a rien eu. Alors, soit ces gens-là, on les laisse faire, pour des raisons X ou Y que je ne sais pas, que je ne connais pas, soit ça en vient quand même à s'interroger sur l'efficacité des caméras de surveillance, quand même. Parce que moi, au radeau, ça m'a énormément surpris. Je m'étais dit, il va se faire avoir. Il s'est forcément fait filmer par une caméra de surveillance, surtout aux alentours du mémorial. Il y a forcément... Mais est-ce qu'elles fonctionnent vraiment, ces caméras? Est-ce qu'elles sont vraiment efficaces ou pas? Je pose la question, je ne prétends pas y répondre, mais ça me surprend toujours, ces choses-là. Moi, j'ai une piste de réflexion. Est-ce qu'ils n'ont pas remonté le fil? Est-ce qu'ils n'ont pas trouvé l'auteur? Est-ce qu'ils n'ont pas découvert un juif qui cherchait par hasard à te nuire? Alors ça, c'est possible. Moi, je pensais aussi à autre chose. Est-ce qu'ils ne veulent pas éviter tout bruit? Il y en avait déjà eu assez avec ce tag autour du révisionnisme sur Orano. Ah bah, parce qu'ils savent que leur dossier est complètement pourri. Peut-être qu'ils l'ont retrouvé, mais qu'ils ont dit... Vous savez que Jérôme Bourbon et moi-même avons été... Enfin, chacun de notre côté avons été relaxés après avoir eu des procès pour contestation de crimes de guerre à Oradour. Ça veut bien dire que je crois qu'ils sentent vraiment que leur dossier est pourri. Donc peut-être en effet cet homme a-t-il été retrouvé, mais qu'ils ne veulent rien faire. Oui, c'est une possibilité, effectivement. En tout cas, alors, si d'aventure l'auteur nous marseillais qui égaye les rues de la Joliette depuis 20 ans nous écoute, ben, je le salue, déjà d'une part, et puis je remercie Vinaigre Blanc pour cette anecdote très, très, très, très drôle, et en même temps très, très parlante aussi, très édifiante à mon sens. Courrier numéro 2, c'est juste un message de Ludwig qui nous dit ceci. Bonjour messieurs, un simple message estival pour vous remercier de votre travail de qualité. Je suis persuadé que dans ce monde troublé, notre état d'esprit fera la différence, bien, bien amicalement. Alors, c'est un message d'encouragement qui nous remercie. Donc, ça fait toujours plaisir. Je me dis, il faut le citer à l'antenne, il n'y a pas de raison de ne pas citer des petits messages comme ça aussi. Et là, évidemment, par la force des choses, ça n'appelle pas de commentaires particuliers. On remercie en tout cas Ludwig pour la gentillesse de ce petit message envoyé. Rubrique numéro 2, autisme radical. Alors ça a fait beaucoup de bruit. Hein. On va discuter un petit peu du planning familial et de son projet d'affiche, une commande, le planning familial donc, est une association et qui a fait une commande d'une série d'affiches pour promouvoir ces différentes politiques. Et l'une d'entre elles a retenu particulièrement l'attention puisque donc, c'est un dessin, c'est une affiche dessinée qui représente un homme de race noire assis dans un canapé et qui a le ventre rond d'une femme enceinte. Sauf que c'est un homme, on est d'accord. Et se tient à ses côtés sa compagne, mais qui est en fait son compagnon, c'est-à-dire que c'est une femme à barbe blanche. D'accord, qui se tient à côté de l'homme qui a le ventre d'une femme enceinte. Et alors, évidemment, donc il y avait le logo du planning familial. Donc là, on se retrouve à l'intersection, excusez-moi de la redondance, mais c'est marrant, à l'intersection de l'intersectionnalité, bien sûr, et toutes les thématiques chères à la fois au mouvement LGBT, QI+, maintenant on dit, vous voyez. Moi j'aime bien pédo-LGBT, c'est un peu plus précis. Mais pas que, puisqu'on est aussi parce que là, le planning familial, c'est quand même d'abord avant tout une organisation féministe au départ, qui cherchait en fait à promouvoir la contraception d'abord, et ensuite l'avortement, le recours à l'avortement légal. Voilà, donc tout ça qui a été obtenu. Et alors, face aux réactions amusée, ironique, moqueuse très souvent, parfois aussi plus acide, du grand public, il y a eu une réaction. Mais une réaction très intéressante, là encore, puisqu'elle ne s'est pas limitée au planning familial. Donc il y a eu une réaction officielle du planning familial, suite aux commentaires que cette représentation a suscité sur les réseaux sociaux, mais aussi de toute une série d'associations et même d'élus qui ont dénoncé, je cite, l'extrême droite. Alors ça, c'était intéressant au plan de la rhétorique, puisque finalement, tous ceux qui ont eu un regard critique sur cette affiche, qui ont manifesté en fait leur désaccord, ou qui s'en sont moqués ont été assimilés à l'extrême droite. À tort, à raison, on va en parler. Mais en fait, ça a été l'angle d'attaque choisi par le planning familial, repris très largement d'ailleurs par les médias, qui ont essayé de banaliser en fait la fiche de dire « Mais quoi, on ne comprend pas, qu'est-ce qui se passe, pourquoi les gens réagissent ?» C'était assez drôle, parce que le truc est vraiment outrancier, quoi. Et j'ai lu parmi les réactions, très souvent, des gens qui ne sont évidemment pas d'extrême droite, mais même des gens de gauche, enfin, qui manifestement, et sans l'ombre d'un doute, des gens de gauche ou de centre-gauche, voilà, qui n'étaient même pas du tout anti-féministes, hein, qui étaient même assez lambda, quoi, je veux dire, dans leur soutien aux causes basiques du féminisme telles qu'on les connaît, mais qui là, avaient du mal, quoi. Ils disaient, non, là, l'homme enceint, là, j'ai du mal, quand même. Et très, de manière très révélatrice aussi, très peu de gens ont remarqué ou exprimé la dimension raciale de l'affiche. Ça m'a beaucoup marqué. C'est-à-dire que tout le monde a réagi à la dimension sexuelle de l'affiche, avec le caractère contre-nature de l'affiche, et même l'impossibilité en biologique de l'affiche, mais pas sur le message racial qui était implicite à cette affiche. C'est pour vous dire si, autant sur les questions de LGBTisme, il y a encore des résistances, autant sur la société multiraciale, si vous voulez, plus personne ne réagit du tout. L'anesthésie est générale, ça ne pose de... Enfin, je veux dire, pour les gens, c'est clair, la société multiraciale est une évidence. Hein, donc, voilà. Donc, dans les réactions dites de l'extrême droite, on a très peu trouvé de réactions à caractère racial, hein, sur le contenu de l'affiche. Alors maintenant, je vais donner la parole à nos participants, qui, je suis sûr, ont quelque chose à dire là-dessus. Qui veut commencer ? Enfin, qui veut réagir à l'affiche ? Quelle est la dimension qui retient le plus votre attention ? Peut-être une partie qu'on n'aurait pas... Enfin, quelque chose d'implicite qu'on n'aurait peut-être pas à l'esprit tout de suite en la regardant ? Eh bien, je vais commencer. Pour ma part, d'abord, j'ai été déçu d'un point, c'est que il manque quand même quelqu'un de voilé sur cette affiche pour vraiment avoir toute l'intersectionnalité. Hein. C'est vrai, c'est pas faux. Mais ils ont peut-être redouté quelques réactions particulièrement hystériques de musulmans offensés. Je sais pas, je pose la question. Ah, peut-être, mais d'autant que le planning familial a tendance à s'acoquiner avec les décoloniaux de l'autre côté, c'est-à-dire que de ce côté, ils sont avec les LGBT, etc., et de l'autre, ils visent les décoloniaux. Mais bref, moi, il y a deux choses sur lesquelles je voulais attirer l'attention. La première, c'est que le planning familial, à la base, c'est quelque chose qui est réservé à l'État, c'est la planification familiale, c'est-à-dire le contrôle des naissances. Mais comme tu l'as bien dit, c'est une association féministe, donc on pourrait croire qu'en fait cette association fait partie de l'État, mais pas du tout. Et donc, en tant qu'association féministe, je pense que c'est des ennemis de la natalité française, par l'avortement, par l'éducation sexuelle, etc. Mais le point le plus important, je pense, le deuxième point, c'est que je me suis intéressé à la personne à qui a été commanditée cette affiche. Et au final, cette personne, quand vous allez voir son profil, qui s'appelle apparemment Laurier the Fox sur Twitter, c'est quelqu'un qui mélange transsexualité, qui en plus de ça fait partie d'une communauté qui... anthropomorphie, c'est-à-dire met des animaux sous forme d'hommes, notamment un renard, pour le coup. Ça, c'est des milieux qui sont pas très connus en France, mais aux États-Unis qui sont assez développés. Donc ça mélange transsexualité, pour son côté, zoophilie ou bestialité, et on sait en plus de l'expérience américaine que ces milieux sont aussi portés sur la pédophilie. Lui, je ne sais pas, je mets pas d'accusation, mais bon, on voit que cette personne est probablement un malade mental. Donc au final, il n'y a pas grand-chose à attendre d'une association féministe qui demande à un malade mental de leur faire une affiche sur la natalité qu'elles aimeraient éradiquer. Oui, c'est très pertinent, oui. L'association, enfin le mouvement dont tu parles, c'est pas les Furies par hasard ? Si, c'est ça. Ouais. Je connais pas trop, mais j'ai déjà entendu parler vite fait. Donc, si tu vas traîner sur 4chan, parfois tu vas finir par tomber dessus, si tu veux. j'ai vu les images de gens qui mettent ces genres d'images et j'ai jamais compris. Mais bon, en tout cas, pour rebondir sur tout ce que vient de dire Nogaret, c'est assez vrai que le planning familial, ils ont toujours suivi l'agenda. Pédo-LGBT, quoi. Leur but, c'est tout simplement de faire et d'effondrer la natalité. Et je pense que c'est pour ça que personne n'a vraiment fait gaffe au côté racial, parce que, ça, à vrai dire, je pense que vous avez pu remarquer que la question raciale, elle est soigneusement évitée. Moi, ça me fait penser d'ailleurs à la publicité qui était sortie le mois dernier, celle de la CAF. Où on voyait tout sauf les adhérents. Ouais, d'accord. Donc que des blancs, d'un blanc immaculé, j'imagine. Oui. Alors c'est leur rêve pour des gens comme nous, mais voilà, c'est ça. Je vois ce que tu veux dire. Voilà. Tu vois. Voilà. Donc moi j'aurais bien aimé Alors si la CAF s'occupait de la naissance des blancs, je n'aurais aucun problème avec la CAF. Je serais content de. J'augmenterai mes impôts. Il y a pas de souci. Je verserai plus d'impôts. Il y a pas de souci. Tu verses beaucoup quand même déjà. Voilà, mais je verserai encore plus. Encore plus, tu vois. Si tu veux devenir communiste, voilà. Voilà, exactement. Mais le problème, c'est que c'est pas le cas, donc j'ai pas envie de payer d'impôts. Ah non, là, c'est pas le cas, ça c'est sûr. Voilà. Que c'est pas le cas. Non, là, tu sponsorises pas la natalité blanche en France, ça c'est clair. Non. En fait, ça traduit bien la chose suivante, c'est que le fait racial a été accepté en France. C'est accepté, oui. C'est acté. Je pense que ça va être très très très très compliqué de revenir là-dessus. Ça va prendre vraiment des... Disons que c'est les changements c'est les changements sociaux qui amèneront une révision, mais je veux dire, c'est pas un exercice qui sera fait à froid sur une table rationnellement, hein. Je veux dire, c'est les conflits qui vont amener une révision complète de l'idéal de la société multiraciale, enfin telle qui nous a été vendue. Hein, mais, exactement. Et du coup, en fait, le métissage est accepté, enfin, en tout cas les classes populaires qui tiennent le pays, parce que les classes populaires qui tiennent le pays les classes qui tiennent le pays, en fait, l'ont accepté, tous les cadres tous ces gens là c'est qu'ils le promeuvent carrément, je veux dire, oui, voilà, ils sont à fond pour, je veux dire. C'est que ça a été accepté, puisque maintenant on voit ça de partout, je veux dire, on en a un point où vous voyez une publicité ou un affiche de campagne sans quota de diversité, vous demandez ce qui se passe. Mais ce que je ferais remarquer quand même, c'est que là-dessus, sur la volonté de promouvoir l'homme enceinte, ça, c'est une nouveauté. C'est pour ça que je comprends, en fait, qu'on ait remarqué que ça, parce qu'en fait, c'est quand même assez... Oui, c'est, quand même c'est, assez c'est, osé. Tellement, c'est tellement énorme c'est, que... C'est, oui, osé, c'est osé venant d'un service public, en tout cas un organisme qui fait un service public, c'est assez osé. C'est-à-dire que c'est pas public au sens strict, mais ils sont en cheville avec l'État depuis très longtemps, ils font... Vous savez, en Iran, ils ont les gardiens de la révolution. Alors bon, je ne les compare pas au planning familial, hein, je vous rassure. Mais je veux dire, c'est le bras armé politique, si vous voulez, de l'État, quoi, hein, qui promeut les valeurs défendues par l'État. Bon, en France, on n'a pas les passes d'Aran. Bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein, c'est le pouvoir d'achat, comme dit l'autre. On a le planning familial, entre autres. Et donc, cette association est une des tentacules, en réalité, de cet État, de cette république, hein, c'est une des tentacules, dont le travail est de promouvoir les valeurs de mort, hein, les valeurs mortifères, alors du féminisme qui, comme son nom ne l'indique pas, en fait, n'exalte pas les valeurs féminines. Ça, c'est le piège de ce mot, d'ailleurs, c'est que le féminisme n'exalte pas du tout, par exemple, la maternité ou les caractéristiques des femmes, c'est au contraire la masculinisation des femmes. Hein. Et donc, il s'agit de faire des femmes, le planning familial, il s'agit de faire des femmes des hommes comme les autres. D'ailleurs, c'est marrant parce que tout l'idéal du féminisme, c'est de copier les hommes. C'est ça qui est très drôle, en fait. C'est que tout ce à quoi elles aspirent, en théorie, c'est copier les hommes. C'est devenir des hommes indépendants, complètement, qui n'ont pas la charge de la reproduction, donc de 9 mois de grossesse, etc. Donc, c'est intéressant de voir cette dimension-là, de voir que le féminisme, finalement, dans sa lutte pour la destruction du patriarcat, pour la masculinisation des femmes, pour le gommage des frontières biologiques, naturelles, qui sont inscrites dans la nature humaine, aille jusqu'au bout, c'est-à-dire au plan racial, au plan sexuel. C'est-à-dire que, finalement, on cherche à effacer les races, les peuples, hein, on les efface par le mélange forcé. Donc là, on nous met un couple multiracial, mais aussi les différences sexuelles qui sont inscrites dans la nature humaine. Hein. Donc la femme porte une barbe, c'est la femme à barbe, voilà, et l'homme porte l'enfant. Alors évidemment, biologiquement, c'est une aberration, puisque aucun homme ne peut porter d'enfant. Hein. Ça, ce n'est pas possible. Donc en fait, ce qu'on nous explique, c'est qu'il y a un travelot qui est une femme qui est enceinte, et qu'il y a un mec qui a pris je sais pas quoi, des hormones, qui continue de se faire pousser la barbe, alors ça devient compliqué, mais qui a les cheveux longs, voilà. Enfin, là, c'est l'asile. Bon, Nogaret a bien décrit le profil social, sociétal, on va dire, de l'auteur, donc il ne faut pas trop s'interroger. Mais, bon, il y a quand même une volonté de nier les caractéristiques innées de l'humanité, que ce soit au plan ethno-racial ou au plan sexuel, et c'est la conséquence logique du subjectivisme total, qui veut qu'on peut s'inventer n'importe quoi, qu'on nie, en fait, être ancré dans une réalité qui nous attache et qui nous fixe, quoi. Voilà, donc, on peut aussi nier avoir besoin de respirer, hein. C'est tout à fait possible, vous pouvez dire, non, la respiration, c'est une construction sociale, hein. Bon, mais si vous arrêtez de respirer, au bout de 2 minutes, vous avez des problèmes, vous voyez. C'est la même chose. Donc là, les gens vous disent, non, mais le sexe, ça n'existe pas. Voilà. Mais ce qui est peut-être le plus intéressant, plutôt que de se lamenter sur le fait que ces gens-là promeuvent bon, ce qu'ils veulent promouvoir, c'est peut-être pourquoi ce chancre parvient à mordre dans la bourgeoisie. Pourquoi ça mord ? Pourquoi ça peut s'établir ? C'est ça la vraie question. Vous voyez ? Parce que qu'il y ait des fous, pas d'aujourd'hui, mais que la folie de ces gens devienne une folie d'État, qu'elle soit promue, sponsorisée, là, ça devrait nous interroger. Et là, la position de la gauche et de l'extrême gauche devient très difficile à tenir. Parce que ces gens-là, vous savez, parce qu'ils ont accusé l'extrême droite, c'est-à-dire la partie la plus radicale de la droite, de remettre en question la légitimité de cette affiche et du message qui est véhiculé. Mais c'est l'idéologie de quel système ? C'est l'idéologie de quel système ? Qui a immédiatement signifié son soutien à cette association et à ses intentions ? Est-ce que c'est le bas-peuple ? Ou est-ce que ce sont les classes dirigeantes ? Est-ce que ce sont les voix autorisées de la classe dirigeante ? Bah, poser la question, c'est y répondre. Ce sont bien les gardiens de l'idéologie dominante, qui sont par définition au cœur du système, qui ont volé au secours du planning familial, qui depuis maintenant plus de 50 ans est complètement intégré dans la classe dirigeante hexagonale. D'accord ? Donc, ces gens qui se prétendent transgressifs, qui prétendent être des opposants aux normes établies, sont en réalité, et ça c'est la grande ficelle qu'ils utilisent, sont en réalité des gardiens, c'est pour ça que je faisais une comparaison avec les Pasdaran. Les Pasdaran sont des gardiens de la révolution islamique en Iran, mais la révolution islamique a triomphé, ce sont les gens qui sont au pouvoir en Iran. Et là, c'est la même chose, c'est-à-dire que ce sont les gardiens de l'idéologie au pouvoir. C'est pas une idéologie transgressive, c'est pas une idéologie qui conteste l'ordre établi, ni les valeurs de l'ordre établi. Ce sont des organisations, le planning familial, qui défendent les valeurs de l'ordre établi. Et de les voir accuser l'extrême droite, qui serait les plus conservateurs du régime en place, c'est se foutre du monde. C'est se foutre du monde, c'est se moquer du monde, d'accord ? C'est vraiment se moquer du monde. Les conservateurs sont par définition les gens du planning familial. Ce sont eux qui sont chargés de conserver l'idéologie dominante et qui attaquent férocement ceux qui veulent la remettre en cause. Donc c'est très intéressant de voir les mots utilisés et les intentions sous-jacentes. Je pourrais continuer comme ça longtemps, mais je crois que j'ai assez bien exposé ma pensée là-dessus. Bon, je crois que le grotesque fait quand même beaucoup notre travail, hein. Je veux dire, bon, je sais qu'ils sont ambitieux, mais bon, l'homme enceint, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ils essayent, mais ça va être compliqué parce qu'il y a... on parlait de Gobineau, Nogaret, il disait que voilà, la race est un facteur déterminant et biologique. Hein. Et quand on essaie de plaquer sur un peuple une culture qui n'est pas la sienne, au bout d'un moment, le greffon est rejeté. Je crois que ça va être un peu pareil avec toute cette idéologie LGBT très récente au fond, hein, parce que quand on compare la situation qui prévalait il y a 30 ans, c'est extraordinairement récent. Donc je crois que leur arrogance actuelle, leur sectarisme et leur brutalité actuelle est très mal placée. Parce que sur la longue durée, ils sont vraiment pas du côté des gagnants. Hein. Alors bon, je peux pas, j'ai pas ma boule de cristal, mais bon, sur la longue durée quand même, des millions, des centaines de millions d'années d'évolution et même plus sur la question du sexe, hein, la détermination des êtres créés sexuellement. Bon, c'est pas quelques années de militantisme sur Internet par ce genre de personnes qui peut vraiment rivaliser avec l'évolution. Bon, ça c'est mon point de vue, mais je pense qu'il risque d'avoir des désagréments. Maintenant, on va donner la parole à Vincent, qui, je suis sûr, a des choses à dire là-dessus aussi. Oui, merci. D'abord, quand on parlait du fait que personne, en effet, ne s'est élevé sur le caractère, sur l'aspect racial de l'affiche, je pense que c'est pas forcément parce que c'est complètement intégré. C'est parce que, comme dit Laurent Oberton avec raison, c'est que c'est tellement un sujet tabou que personne aujourd'hui, et même si beaucoup de gens sont encore en eux-mêmes racistes, personne n'ose parler, hein, personne n'ose s'élever contre ça. Alors il est évident que les gardiens, comme tu dis très bien, de l'ordre établi, bon, bah, eux, bon, pour eux c'est acquis, mais ceux pour lesquels ce ne serait pas acquis, bien, se taisent, hein, la plupart. Donc pour moi, ça ne veut pas forcément dire que le fait racial est intégré au moins par toute la population. Je dirais qu'il y a une intimidation. Oui. Tout le monde a peur d'être traité de raciste. Voilà, c'était ce que je voulais dire sur ce point de vue-là. Alors, après, sur l'homme enceint, ou l'homme enceinte, eh bien, ce n'est pas si nouveau que ça. Hein. Ce n'est pas si nouveau que ça, puisque moi, j'ai un souvenir de Terminal, donc 1986, où on en avait parlé, déjà. Parce qu'il y avait des féministes qui affirmaient qu'on pourrait greffer un utérus chez un homme pour porter un enfant. Et j'ai un souvenir très net, donc ça date, oui, ça remonte à 35 ans maintenant, où déjà il y avait des choses. Et je rappelle aussi que l'histoire de l'homme enceint, ça a été prévu, c'était en 2015, hein, donc ça remonte quand même maintenant à 7 ans, hein. C'est une obstétricienne américaine, hein, Karin Scheung, vous pouvez aller voir, hein, sur Internet. Elle est directrice du programme de la fertilité dans une université californienne, je crois, et qui disait, eh bien, entre 2020 et 2025, ça y est, on pourra avoir des hommes enceints, parce qu'on pourra greffer un utérus, et puis on pourra donner des hormones, enfin bon, tout un discours qui m'apparaît délirant, mais de la part, d'une obstétricienne, hein, je veux dire, c'est ça qui est complètement fou. Bon, alors, elle avait dit entre 2000 et 2025, bon, il reste plus que 3 ans, on verra, hein, 2020 et 2025, on verra si c'est trompé ou pas. En fait, ça remonte encore plus loin, hein, ça remonte encore plus loin, cette histoire d'homme enceint, parce que moi, je m'intéresse beaucoup au phénomène du féminisme, toutes ces affaires, je les connais un petit peu, et en 1994, il y a un livre qui est paru qui s'appelait « 9 mois pour être père ». Alors attention, hein, c'était pas quelqu'un qui militait pour que les hommes soient enceintes, mais il disait voilà, l'homme doit accompagner la femme qui est enceinte. Donc en fait, l'homme aussi, il a 9 mois pour être père. Donc c'était un livre de Roger Tegou, quelque chose comme ça. Et ce qui était intéressant surtout, c'était la préface. Alors la préface de Serge Lebovici. Bon, vous ferez tous le lien. Eh bien, qu'est-ce qu'il écrivait cet homme? Il disait, il parlait déjà des hommes qui étaient devenus sages-femmes. D'ailleurs, on ne savait pas si au départ, il fallait les appeler les sages-hommes ou les sages-femmes. Bon, et il disait, bon, ben, finalement, aujourd'hui, la profession de sage-femme est ouverte aux hommes. Et voilà ce qu'il écrivait après. Il se trouve que l'accès pour les hommes à cette profession de sage-femme, jusque-là dévolu aux femmes, correspond à l'évolution des mentalités en matière de soins aux tout petits enfants et à l'apparition sur la scène du nouveau père. Et la conclusion, l'homme enceint n'en est finalement que la suite logique. Et à l'époque, ça m'avait frappé parce que je m'étais dit, voilà, on a tout à fait un exemple du fait que une société pousse sa logique jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Et ce qui m'intéresse dans ces moments-là, justement, c'est comme tu as dit, Gandalf, avec raison, tous ces gens de gauche qui nous disent, oh ben non, là je peux pas quand même, là je peux pas. Ça me rappelle Monsieur Jospin qui disait, oh ben non, le Pax, non, le mariage pour tous, non, le mariage c'est entre un homme et une femme quand même, on peut pas aller jusque-là. Mais oui, mais le problème, comme tu l'as bien dit, ils soutiennent toutes ces revendications féministes, toutes ces revendications gauchistes, puis au bout d'un moment, ils s'arrêtent. Ils disent, oh, mais non, mais là, je peux pas aller plus loin, moi. Mais ouais, mais mon pote, t'es perdu, parce que la société, elle va aller jusqu'au bout. À partir du moment où tu ouvres la digue, ne crois pas que tu vas refermer l'écoutille, c'est fini, c'est l'écluse. Et tout va être emporté par le flot. Et c'est pour ça que tous ces gens de gauche qui, au bout d'un moment, me disent, oh, ben non, là, quand même, hein, non. Les homosexuels, ah oui, c'est tout à fait respectable, mais enfin, pas chez moi. Ah bon ? Et pourquoi pas chez toi ? Eh, si c'est respectable, c'est plus respectable quand ça a franchi le seuil de ta porte. Mais sois logique, mon vieux. Ils vont arriver chez toi, puis c'est terminé. Et voilà pourquoi il faut toujours, quand des gens commencent à nous dire « Ouais, non, mais vous comprenez, ça, ce sont des revendications respectables, mais il faut pas aller trop loin. » Mais tu es naïf, tu vas te faire avoir. Et donc, l'histoire de l'homme enceint, c'est, en fait, c'est pas si récent que ça. Ça a déjà au moins 30 ans qu'on en parle. On en parlait même avant, mais avant c'était entièrement fictionnel. Et donc, cette affaire pour moi, cette affiche, c'est très clair. C'est que ce sont des ballons d'essai qu'on lance. On sait très bien que, au départ, ça va susciter des réactions. Mais la logique, à un moment ou à un autre, va aller jusqu'au bout. Et si on peut y arriver avec le transhumanisme, ça se fera qu'on le veuille ou pas, parce que tous les gens qui voudront s'y opposer, on dira, mais comment, vous vous y opposez, oula, mais vous êtes pour la ségrégation, mais on sait où ça mène, ça, la ségrégation, et ce sera terminé, et ce sera comme le Pax, comme le transsexualisme, comme tout, ça va arriver. Nos sociétés sont vraiment des sociétés mortifères, et pourquoi d'ailleurs il y a ça, eh bien au final, et j'en termine avec ça, dans l'homme enceinte, en fait, qu'est-ce qu'il y a? Il y a cette frénésie de l'égalité qui est justement une vision partagée par tout le monde. Mais c'est l'égalité jusqu'au bout. Puisqu'on est tous égaux, pourquoi les hommes ne pourraient-ils pas connaître les joies de la maternité? C'était l'article que j'avais lu à propos de ça, où on parle de ça. Et puis surtout, au-delà de l'égalité, il y a cette volonté, comme vous avez très bien dit, de toute puissance, le refus de la finitude. C'est-à-dire, moins l'homme croit à une transcendance, moins il croit en un dieu, etc., plus il se fait dieu lui-même, et plus il refuse sa finitude, plus il se veut tout-puissant, et on en arrive à des aberrations comme ça. Voilà, donc pour moi, c'est quelque chose qui est, même si aujourd'hui ça paraît complètement grotesque, non, non, non, je vous fiche mon billet qu'un jour ou l'autre, si on peut le faire avec le transhumanisme, on le fera. Voilà, merci. Alors, si tu me permets, j'ai juste trois petits points à signer, c'est que d'abord, il faudrait peut-être justement, c'est pour ça, faire souligner qu'en fait, tout ça, c'est pas nouveau. C'est-à-dire qu'ils font des expériences sur les gamins depuis au moins les années 80. Moi, je pense au cas le plus célèbre, c'est très connu aux États-Unis et au Canada, c'est le cas de David Reimer, qui s'est suicidé durant sa vingtaine parce que ils ont essayé de transformer en gros ce gosse en petite fille, sauf que bah en grandissant il a pas accepté et ça s'est généré énormément de troubles. Et bien ce genre de choses, le problème c'est que c'était à échelle individuelle, ça a été mis sous le tapis et aujourd'hui en fait ça revient tout simplement, c'est-à-dire que ces délires là comme ils n'ont pas été durement condamnés, ils peuvent se permettre de revenir parce qu'on pourra vous dire mais c'est pas grave, c'est innocent, ça fait pas de mal. Bah aujourd'hui, on a des enfants qui veulent se faire enlever les testicules, donc voilà. Oui, il y a aussi ça, une autre chose que je voudrais remarquer, c'est qu'en fait tout ça, c'est vraiment des scories de société en fin de course, de civilisation en fin de course, parce que si avec une approche un peu à la Evola ou plus récemment francophone Philippe Fabry, moi je vois un peu les choses de manière cyclique et c'est vrai que à Rome en fin de civilisation il y avait des aberrations un peu de ce style, c'est-à-dire il y avait des gens qui des mariages homosexuels, des mariages avec des animaux, enfin des aberrations, voilà, avec des enfants qui avaient un père et un autre père, enfin il y avait quelques aberrations qu'on pouvait évidemment chez la bourgeoisie, parce qu'il fallait vraiment être un, enfin même plus haut, il fallait vraiment être dans les hautes strates de la société pour se permettre ce genre de d'excentricité. Donc là, c'est là qu'on voit qu'on est vraiment, notre situation est en bout de course. Ah, complètement d'accord avec toi. Alors c'est vraiment, pour moi, c'est ça, c'est le symptôme d'une civilisation qui est en train de crever dans de la pourriture, qui est déjà décomposée. Je veux dire, qui est déjà morte et décomposée, en fait. On est en train de se pourrir, là. Alors messieurs, je vous propose de passer à la rubrique suivante. Alors brièvement, avant qu'on passe à la deuxième partie de l'émission, est-ce que vous avez suivi cette histoire de karting à la prison de Fresnes ? Alors ça défraie un peu la chronique. On va pas rentrer dans les détails, parce que finalement, ça reste un épiphénomène. Mais c'est très drôle. Dupond-Moretti a nié. Hein. Il a dit « Je ne sais pas ce qui se passe. Je vais diligenter une enquête pour en savoir davantage. » Et le journal Le Figaro, hier, samedi, donc 20 août, a publié un article explicitant que non, pas du tout, que en fait les jeux Koh-Lanta à Fresnes avec le karting et tout étaient effectivement prévus, que tout était filmé, que ça a été visé par le cabinet du ministre, enfin qu'il n'y avait absolument pas de surprise, c'était complètement convenu. Est-ce que vous avez vu ces images qui font la polémique qui va durer les 2 jours et puis ensuite tout le monde va oublier, mais et si oui, est-ce que vous auriez quelque chose à en dire quand même avant qu'on passe à autre chose ? On reste dans le domaine de la criminalité ethnique, parce que au moins on aura remarqué que les pilotes de choc là de Fresnes sont pas européens. Hein, je crois qu'on l'a remarqué. Quelqu'un là-dessus ? Bah, c'est comme les rodéos. Attends, je sais pas si ça s'inclut là-dedans, mais c'est comme les rodéos urbains là en ce moment là. C'est de partout, même dans les petites villes et les petits villages là, c'est ils foutent le bordel, ils écrasent des gens. Il y a des accidents de partout, mais on sait toujours de quel profil sont ces gens-là. Mais oui, non, mais ça c'est fascinant. C'est le caractère nuisible de ces gens, quoi. C'est-à-dire que tu peux faire comme tu veux, ils vont nuire, ils sont toxiques et nuisibles, ils vont, c'est fou ça. Les rodéos, on s'en rend pas compte, mais ça pourrit la vie des gens. C'est-à-dire que les mecs, ils roulent n'importe comment, à une vitesse folle, ils font un bordel pas possible. Donc ça, c'est juste les rodéos. Mais ensuite, t'as le plaisir de te faire parfois menacer à coups de surin. Ils ont leur religion qui est infernale, qui les rend fous. De manière sporadique et incontrôlée, je parle pas du ramadan, etc. Enfin, c'est invivable, quoi, c'est invivable. Et ça devient. Les proportions sont telles qu'on n'en sort plus. Alors, les gars, là, ils mettent la main sur un quad, un machin, ils sont 3, ils sont 4, ça te fait un essaim, parce que c'est ça, c'est des essaims de maghrébins ou de noirs, juchés sur des 4 roues, les mecs roulent à fond, mais le problème maintenant, c'est que ces gars-là, ils roulent comme des malades, ils percutent des gosses. Parfois même leur propre gosse, en plus, c'est con, là. C'est ça, en plus, hein. Parfois, ils percutent leur propre gosse, c'est con. Parce qu'ils sont, complètement... Enfin, ils sont, le cul est là pour en faire foi, hein. Je veux dire, on a affaire à des demeurés. Donc, le problème, si vous voulez, c'est la technologie qui rencontre l'Afrique, ça peut pas marcher, si vous voulez. Tant qu'ils étaient à d'autres chameaux, ça se passait bien. Mais, et encore. Mais là, non, avec des motocross, des trucs et tout, et c'est infernal. Donc, les populations françaises en peuvent plus. Alors, ça dure depuis des années, mais ça devient tellement énorme, ça devient un tel phénomène de société, ça crée de tels drames à répétition, qu'au bout d'un moment ça remonte, et là t'as Darmanin qui arrive, mais comme Dupond-Moretti, je comprends pas, oui, on va prendre des trucs, mais qu'est-ce que tu vas faire, quoi ? Non, mais la seule solution, c'est de les foutre dans un avion ou un bateau et de les dégager, il n'y a pas d'autre solution, il faut arrêter. Et là ils sont, non, on va, mais qu'est-ce que tu veux faire ? Non, c'est... Alors il y a les flics qui pleurent, là je vide un peu mon sac parce que ça m'énerve. Ils sont à la télévision, les flics en train de chouiner. Là. Ils sont là, on n'a pas de moyens, etc. Quand il s'agit de faire chier des gens qui ont dit quelque chose sur Internet, les flics ont toujours des moyens. Ils ont des moyens humains, ils ont le temps pour faire des auditions, des procès-verbaux, pour faire suivre tout. Ils ont tout ce qu'il faut pour faire chier les gens qui en ont marre de l'immigration, d'accord ? Les flics et les syndicats de flics se foutent de la gueule du monde. D'accord ? Ce sont les larbins du pouvoir. Ils acceptent de faire un boulot de larbin. Et quand il s'agit de faire chier les blancs, que ce soit sur Internet ou que ce soit au bord des routes, ils sont toujours là, il y a toujours des effectifs, il y a toujours du temps, il y a toujours tout ce qu'il faut. Quand c'est les Maghrébins, soudainement, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas, on n'en peut plus, on n'a pas, il nous faudrait plus de ceci, plus de cela, vous comprenez, on n'a pas de chauffage dans nos commissariats, fait pleurer Margot dans sa chaumière. Voilà, ça, c'est l'arnaque. Et les comptes Droitard, parce que ce n'est pas les derniers, ceux-là non plus, à chaque fois qu'un policier arrive sur BFM TV ou sur CNews, sortir son plus bon violon, qui souvent a des accents yiddish d'ailleurs, et vous aurez remarqué qu'il y a de plus en plus de syndicalistes, et que des bougnoules, hein, vous aurez remarqué aussi. Donc, ils sortent leur truc, ils font pleurer Margot, et là, tu as tous les Droitards, ah, les pauvres flics, etc. Bah, attendez, les flics, ils sont clairs sur leur priorité. Leur priorité, ce n'est pas les bougnoules. C'est pas les rodéos urbains, c'est pas les viols avec violence, c'est pas les viols non plus. C'est les gilets jaunes, leur priorité. Mais je me rappelle bien les gens de la BAC là sur les gilets jaunes, ils s'étaient fait plaisir. Alors bon, ils vont dire, ouais, il y avait des communistes dans le. Oui, ça, c'est sûr. À la fin, mais pas au début. Quand ils se sont fait plaisir sur les gilets jaunes, ils ont mis vraiment beaucoup d'ardeur dans leur truc. Qu'on n'a jamais vu face aux crouilles, hein, faut arrêter. Donc, au bout d'un moment, si vous voulez, dans la société française, il y a un ras-le-bol. C'est-à-dire que Macron, il peut être réélu, avec de l'abstention à gogo d'ailleurs, et par défaut et machin. Ça ne veut pas dire que dans la société française, sous un coup, tout le monde s'est rabiboché avec la société multiculturelle, multiraciale et ses conséquences. C'est absolument faux. C'est-à-dire qu'on fait comme on veut, mais les années passent, la saturation face à l'immigration. Pour continuer de progresser. Et sur les rodéos, vraiment, j'en termine, mais sur les rodéos, c'est pas d'aujourd'hui, mais c'est tellement endémique que le gouvernement, qui le sait, qui ne veut rien faire, qui ne fera rien, est obligé de faire semblant de faire quelque chose. Faire semblant, mais obligé de faire quelque chose. Parce qu'ils sentent que les gens en ont assez, ils sont excédés. Alors, le truc qui est marrant, c'est que ça télescope l'histoire du karting. C'est que quand t'as Darmanin qui dit « Ouais, on va les coffrer, tous ces connards, là, de... » Bon, il n'a pas dit l'origine, mais on a tous compris. Ben, d'abord, ils les coffrent pas. Et puis, s'ils en coffrent un ou deux, ils les mettent où? Bon, ils les mettent pas à Fresnes, mais dans des maisons d'arrêt, généralement. Mais bon, là, les gens, ils regardent les trucs à Fresnes, et ils se disent... Parce qu'il faut savoir que les Français savent pas ce qui se passe dans leur pays. Les Français savent pas ce qui se passe dans les prisons. Ils n'en ont aucune idée. Quand on leur dit « Vont aller en prison », les gens croient que les taulards, ils souffrent et tout. Là, ils voient de leurs yeux ébahis qu'en fait, c'est pas le Club Med. Il ne faut pas non plus caricaturer. C'est pas le Club Med. Oui, je peux le dire. Mais c'est pas le bagne non plus, tu vois. C'est-à-dire ah non, pas du tout. Tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que les mecs, ils sortent pas de leur expérience en tôle en disant « Ah non, plus jamais, au secours, je rentre dans le droit chemin. Vous me verrez plus jamais juger sur un quad. » Non, les mecs sont là, ils disent « Bon, allez, je vais aller voir les copains, là, on va aller faire les cons. » C'est ça, et ça recommence. Donc voilà, et là, je pense que beaucoup, avec ces images prises à l'intérieur de Fresnes, qui est censé quand même être une prison, voilà, ils se sont dit « Ouais, c'est pas tout à fait comme ça que je voudrais voir fonctionner l'institution pénitentiaire dans mon pays. » Je pense que ça, on peut le dire. Donc, et ça se télescope. C'est-à-dire que d'un côté, tu as Dupond-Moretti qui est pris en flagrant délit de manfoutisme et de laxisme intégral. Et de l'autre côté, tu as Darmanin qui joue les faux durs alors qu'on sait qu'il ne va rien se passer. Voilà. Donc ça, c'était mon laïus là-dessus, donc sur un peu tout ça. Mais je veux dire... Après, on a les dirigeants et les institutions qu'on mérite aussi. Hein, je veux dire, parce que les Français, ils sont là, ils disent, mais comment ça se fait, etc. Bah, comment ça se fait, je veux dire, commencer par boire dans une glace aussi, un petit peu. Je veux dire, bon, ça tombe pas de nulle part. Tu peux pas d'un côté passer ton temps à écouter du Georges Brassens, excusez-moi, et trouver que sombrer dans le cégétisme mental le plus complet, et de l'autre côté, t'étonner d'avoir un état anarcho-communiste. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand tu es un anarchiste mental qui veut rien foutre et vivre au crochet de la société, parce qu'il y a quand même un sacré paquet de Français qui ont pour objectif de vivre plus ou moins comme ça, pas tous les Français, mais beaucoup quand même, au bout d'un moment, tu as la société que tu mérites. Hein. Voilà, hein, entre une société du travail, du mérite, de l'ordre, de l'autorité, de la hiérarchie, et une société de manfoutistes, du relativisme intégral où en fait on laisse courir les violeurs, les pointeurs, là, au bout d'un moment tu t'as le tiers-monde qui fait du kart dans tes prisons. Oui, et puis au-delà de ça, d'ailleurs, justement, pour clore le sujet de mon côté, vous avez justement, à côté de ça, bah, toute la bobocratie qui s'enjaille là-dessus, sur ce phénomène, en disant « Ah, c'est magnifique, c'est comme des cow-boys, vous voyez, c'est la culture des riders, ça vient des États-Unis, etc. » Et ça nous pond un film à 100%, 100%, 100% financé par le CSA, qui est Rodeo, voilà, le film qui est sorti il y a peu longtemps. Voilà, c'est ça le comble, c'est qu'en plus, vous avez d'à côté, vous avez le gouvernement qui fait « Oh, c'est pas bien, hein. Oh là là, on va sévir !» Bah ouais, mes connards, pourquoi l'État finance de ce genre de chiasse cinématographique? Je veux dire, à un moment, ça, c'est un sujet en soi qui serait très intéressant à aborder. Ouais. Vincent, qui a mis un pied à l'intérieur de l'institution pénitentiaire, quand tu vois ces images de circuits de karting carrément dans la tôle, hein, je dois dire que là, quand même, c'était assez bon. On s'est interrogé, mais tu réagis comment? Enfin, même sur tout ce qu'on a dit, quoi. Au sujet de ce qui se passe en tôle, bon, moi j'étais dans une maison d'arrêt, c'est-à-dire c'était pas un centre de détention. C'est beaucoup moins, je dirais, si je puis m'exprimer ainsi, c'est beaucoup moins confortable. Mais il est évident que lorsque tu disais qu'on ne ressort pas de tôle sur tous ces gens-là en disant je n'y reviendrai plus jamais, c'est tout à fait exact. Comme me disaient d'ailleurs les gardiens, oh, tu sais, parce qu'on se tutoyait, hein. Ils me disent, tu sais, ils ont leur cellule attitrée. Quand ils la quittent, on sait que dans quelques mois, ils vont revenir. Hein. Et bon, à partir du moment, la seule chose embêtante en prison, c'était de ne pas avoir d'argent. C'est-à-dire ce qu'on appelait les crevards. Des gens qui n'avaient pas d'argent, qui ne pouvaient pas en avoir, et qui soit ne pouvaient pas travailler, soit travaillaient mais ne gagnaient pas assez. Enfin bon. Mais en dehors de ça, à partir du moment où tu avais de l'argent, tu pouvais vivre dans ta cellule parfaitement bien, hein. Tu pouvais même t'acheter une console de jeu, etc. Donc, quand j'ai vu, moi, ces images de karting, c'est toujours le même, vous savez, c'est toujours le même principe qu'on a en prison. Tout le monde n'arrête pas de le répéter, tous les prisonniers n'arrêtent pas de le répéter, c'est « nous ne voulons pas la double peine ». On nous prive de liberté, on doit respecter notre dignité. Et donc, à partir de là, bah oui, vous devez avoir tous les droits, entre guillemets, que vous auriez si vous étiez en liberté, à part que vous ne pouvez pas sortir d'un certain périmètre. Donc, ce que j'ai vu là, personnellement, bon, moi, j'ai pas vu ça à Valenciennes, parce que c'était une petite maison d'arrêt, mais l'esprit était le même. L'esprit était le même. C'est respect de la dignité humaine. Alors je suis pas contre respecter la dignité humaine, c'est pas ça. Mais ça ne m'a absolument pas surpris. Et alors après, lorsque l'État feint la surprise, etc. Alors là, je dis non, mais arrêtez votre hypocrisie. Vous savez très bien ce qui se passe en prison. Vous savez très bien. Donc non, oui, je veux dire, voilà, on est arrivé où même la prison ne fait peur quasiment à personne, mis à part aux honnêtes gens qui en ont peur, mais la voyoucratie n'en a absolument pas peur. Oui, totalement, bien sûr, évidemment. Oui, mais ça c'est normal, et ça c'est aussi parce que cette institution n'est racialement pas préparée. On parlait de ça, parce que quand on disait en Suède, vous savez, il y a des profils ethniques qui ont tendance à faire ceci ou cela, ça suppose aussi d'avoir une approche différenciée, enfin je veux dire en théorie, parce que bon, en France là on a passé ce cap là, mais je veux dire, en théorie, si vous voulez, quand vous avez un état qui racialement doit être adapté, donc vous avez différents groupes raciaux, vous devez avoir différents types de peines par groupe raciaux, c'est aussi évident que ça, vous n'allez pas adopter le même type de peine contre des Romanichels, contre des Maghrébins, parce que ils ne sont pas sensibles aux mêmes restrictions, aux mêmes peines, hein, d'accord. Alors idéalement, évidemment, vous n'en avez pas sur votre territoire, bien sûr, hein, c'est tout à fait clair, mais enfin, normalement, il faudra des peines qui soient adaptées au profil racial des différents groupes, ça c'est la logique même. Donc on a en fait une taille unique en termes de répression qui doit s'appliquer à Monsieur Dupont, qui a commis je ne sais pas quoi, hein, et voilà, et qui doit s'appliquer à Mohamed, qui lui est un élément improductif, parasitaire de la société. D'accord ? Donc vous avez une loi unique Bon, bah c'est l'égalité démocratique, hein, une loi unique, alors que vous avez des groupes raciaux irréductibles qui ne sont pas du tout sensibles aux mêmes peines. D'accord ? Parce que, et d'ailleurs, qui ne commettent pas les mêmes crimes. Et donc, évidemment, c'est ce brouillard démocratique égalitaire qui empêche toute véritable réponse calibrée au plan pénal contre ces populations, même si, évidemment, bon, je crois que la question, c'est pas d'avoir des peines adaptées pour ces populations, la véritable question, c'est d'ex expulser, hein, ce sont des parasites, voilà. Et on est d'accord. Voilà, ils le savent, enfin, je veux dire, ils le savent, en plus, ils s'en amusent, hein, je veux dire, entre eux, ils en sont parfaitement conscients, je veux dire, ils en rigolent, hein, je veux dire, au bout d'un moment, ils disent, ces cons français, vraiment, on peut leur faire tout ce qu'on veut, ils ne comprennent jamais rien, hein, faut pas se tromper, quoi. Voilà. Et évidemment, ils se plaignent, ils en jouent, ils ont bien raison, hein. Tant que ça marche, je sais, c'est comme dans un casino, hein. C'est-à-dire, tant que vous gagnez, vous jouez, hein. C'est simple que ça. Oui, c'est ça. Et moi, je l'ai vu de mes yeux, hein. En gros, c'était, ah, là, j'ai joué, j'ai perdu, donc, je passe mon tour pendant 6 mois ou pendant 1 an. C'est-à-dire que je suis en prison pendant 6 mois, pendant 1 an. Et puis après, c'est comme au jeu de loi, quoi. Passez votre tour. Bah oui, je passe mon tour. Là, c'est bon. Mais je vais rejoindre mes potes en prison. Et puis après, moi, je ressortirai et j'irai visiter mes potes qui seront en prison, parce que etc. Et je les ai vus vraiment. C'était comme ça, une habitude totale de la prison. Je veux dire, voilà, c'était pratiquement la case où on va aller fatalement. Oui, bon, bah c'est pas grave. La famille va envoyer de l'argent et c'est bon. Ça m'a vraiment appris beaucoup et j'ai été vraiment très content d'ailleurs d'aller là. Ça peut paraître surprenant, bon, mais moi j'en ai pas souffert de la prison parce que c'est bon. Mais je veux dire, voilà, j'ai vu quoi, de mes yeux, hein, et là je peux témoigner. Bien sûr. Alors, messieurs, on fait une pause musicale et on se retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie de Démocratie participative. On va parler un petit peu de Russie et d'Ukraine. Let's go. Chers amis, on va parler un petit peu de l'Ukraine. Troisième guerre mondiale, rubrique suivante. Vous savez que c'est un pari audacieux de ma part, comme je conduis l'émission, d'appeler cette rubrique de cette manière-là. Parce que bon, somme toute, la Troisième Guerre mondiale, au fond, quand vous écoutez, si vous avez de la mémoire, vous vous rendez compte que déjà, dès la guerre froide, on parlait du spectre de la Troisième Guerre mondiale. J'allais presque dire que dès que la Deuxième était terminée, en 1945-1946, on parlait déjà de la Troisième, en fait. Donc c'est un petit peu un serpent de mer. Et en ayant parfaitement conscience, j'aurais pu ne pas utiliser cette définition. Et pourtant, je crois très réellement que les conditions géopolitiques générales sont rassemblées pour que une véritable troisième guerre mondiale, qui n'aurait d'ailleurs pas l'aspect de la première ni de la seconde, ait lieu. Hein. Donc je dis bien au plan militaire. Et d'ailleurs, en une phrase, je crois que ce qui distingue fondamentalement la première de la deuxième et de la troisième, c'est l'extension du champ de bataille à l'intégralité des sociétés. Donc, durant la Première Guerre mondiale, il y a encore un front et un arrière du front. Durant la Deuxième Guerre mondiale, avec l'intervention de l'aviation, cette notion commence à s'effacer très nettement, et même spectaculairement vers la fin du conflit avec la destruction de l'Allemagne par les bombardements. Sur les villes, j'entends. Et aujourd'hui, je crois que si on avait une troisième guerre mondiale, en fait, elle serait finalement assez peu menée sur une véritable ligne de front par des armées conventionnelles et par contre très intensivement sur les sociétés. Donc je pense qu'on aurait des attaques sur les systèmes d'énergie, d'approvisionnement en eau, de communication. En fait, les populations civiles seraient les principales cibles à la place des militaires. Je crois que c'est ce qui fondamentalement serait la caractéristique de la Troisième Guerre mondiale. On verra bien, je ne veux pas être un prophète d'apocalypse quand même, mais bon, il y a une tendance de fond historique. Bon, voilà. Et nous avons, chers amis, des incendiaires qui défilent sur les chaînes de télévision en continu, qui sont des chaînes à rendre fou, hein, franchement, que ce soit LCI, CNews, que je n'ai pas de raison d'épargner, ou de BFM TV, ce sont des machines à abrutir. Et vous savez, nous avons un individu qui a récemment apparu sur... récemment apparu sur les écrans de télévision français, qui est un certain Darius Rochebin, ou Rochebin, hein, venu de Suisse, et qui mène les débats maintenant en France depuis cette année. Alors... évidemment, les Français, hein, qui ne savent pas distinguer un Italien d'un Arabe ou d'un Séfarade, se disent que cet homme, avec son costard-cravate et son français châtier, est un Suisse mais irréprochable, consommateur de chocolat, amateur probablement d'horlogerie de précision, etc. Non, Darius Rochebin n'est pas perse, hein, malgré son prénom, c'est un juif qui mène les débats, encore une fois, sur une chaîne de télévision française, LCI en l'occurrence. Alors, qui invite-t-il? Il invite un général qui s'appelle Yakov Lev. Je n'ai pas plus d'informations sur le profil de cette personne, je ne connais pas son profil familial, etc. Mais il a toute l'épaisseur lourde du haut gradé français, ce qui n'est pas ici flatteur, hein, franchement. En gros, il a toute l'épaisseur du gros con galonné, quoi. Vraiment la brute épaisse, en fait. Il y a ça qui ressort chez lui. Et alors, il intervient sur tous les plateaux pour réclamer la guerre à tout prix. Alors, qui est ce type? Eh ben, c'est simple. Ça a été un des plus hauts responsables de l'OTAN. Hein, c'est un larbin du Pentagone. Et il marche partout. Il touche auprès de la Grande-Bretagne, il touche auprès des Américains, il touche surtout auprès des Ukrainiens, probablement des Polonais. À mon avis... un petit peu peut-être des Français, mais pas beaucoup plus, à mon sens. Hein. À mon avis, c'est surtout les étrangers qui payent. Alors, il est sur les plateaux pour dire quoi? Pour appeler à la guerre totale. On l'écoute et on se retrouve. Et ensuite, je ne propose pas de faire la guerre à la Russie, d'effacer la Russie de la carte du monde. Je propose d'aider les Ukrainiens, d'aider plus les Ukrainiens à faire la guerre chez eux, aux Russes qui sont chez eux. Donc, nous ne faisons pas la guerre à la Russie, nous faisons la guerre aux Russes en Ukraine. Ça veut dire quoi? Livrer plus d'armes? Livrer plus d'armes et aussi fournir des capacités qui sont trop compliquées à donner sous forme de matériel. Exemple, la défense solaire. Les Ukrainiens ont besoin de défense solaire. C'est trop long de leur donner des patriotes et la formation, etc. Donc moi, je ne trouverais pas choquant que des batteries de défense solaire avec des soldats américains, français, néerlandais ou allemands stationnent en Ukraine pour fournir de la défense solaire aux populations civiles, soit dit en passant, aux populations civiles. Vous dites que donc que des soldats de français ou américains soient sur le sol de l'Ukraine. Oui, bon, là. Je pense que c'est le degré suivant d'aide à l'Ukraine qui serait qui protégerait la population, qui contribuera à protéger la population. Ça ne nous rendrait pas belligérants, de fait. Oui. Oui, mais cet argument de « oh là là, il faut refuser d'être co-belligérant », etc. Qui a inventé cet argument? Les gens qui veulent nous empêcher de participer. Là, il est légitime que nous participions à la défense de l'Ukraine. Pour l'instant, l'Ukraine est seule à verser son sang. Alors, messieurs, vous avez entendu donc l'intervention de ce général, de ce, comment dirais-je, bout en train, c'est le terme, hein, c'est un bout en train, hein, il excite la bête. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, bah, écoutez, il faut déployer l'armée française maintenant hein, en Ukraine, contre l'armée russe, en nous disant, il a un argument formidable, il dit chaperché, hein, ah bah non, on est en Ukraine, donc c'est pas une guerre contre la Russie. Ah, donc on a le droit de tirer sur l'armée russe, voilà, et si les Russes essayent de répliquer, ah bah non, c'est l'Ukraine, désolé, chaperché, on n'est pas en guerre contre vous, ah ah. Comment vous allez faire maintenant, vous voyez? Donc c'est le niveau d'argumentation de cette espèce de sinistre con qu'on pourrait doubler de criminel, hein, et qui touche un paquet de fric, de tous les mafieux en circulation, mais on en a quand même quelques beaux, hein, on a quelques belles pièces, on a le juif Zelensky là, à mon avis, là le encocaïné à mort, voilà, donc il arrive et il dit, voilà les gars, là, on va y aller, on envoie des militaires français, ça va y aller, ça va être génial, on va faire un carton, la démocratie, les droits de l'homme, etc., ça va être génial. Alors, est-ce que cette intervention vous a convaincu? Est-ce que d'après vous, si l'armée française est déployée en Ukraine pour tuer des soldats russes, frontalement, hein, ok, on se cache pas, hein, c'est pas quoi là, les gars de la DGSE, en civil qui essayent de, je sais pas quoi, hein, non, là c'est vraiment, bon, les unités déployées formellement, artillerie, tout ce qu'on veut, quand on dit artillerie aujourd'hui, c'est surtout des missiles, ce genre de choses, hein. On tue des soldats russes, et les Russes, ils n'auront qu'une seule chose, c'est de fermer leur gueule, parce que chaperché. Qu'est-ce que vous dites, vous? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette théorie de M. Yakovlev, ou est-ce que vous pensez que c'est passablement risqué comme stratégie? Et si oui, d'ailleurs, pourquoi devrait-on le faire? On pose la question. Pourquoi devrait-on déployer l'armée française en Ukraine? Je veux vos avis sur toutes ces questions. N'importe qui, hein, qui veut prendre la parole. Eh bien, je commence. La raison pour laquelle on devrait déployer l'armée, je dirais parce que la démocratie. Je pense que c'est le raisonnement qu'il y a derrière l'intervention. D'ailleurs, ce général Yakovlev avait déjà fait parler de lui fin mars et fin avril, et avec déjà l'idée qu'il voulait émettre, en tout cas, que la Russie menait une guerre, y compris contre nous, c'est-à-dire pas que contre l'Ukraine, et il voulait déjà nous mettre dans le même pétrin que l'Ukraine. Oui, il voulait créer des zones d'exclusion aérienne en déployant l'armée de l'air française au-dessus de l'Ukraine, hein, c'est ce qu'il voulait faire. Exactement. Donc finalement, sa justification, je sais pas, peut-être prend-il les Russes pour des imbéciles, et quand ils verront des soldats français tirer sur des soldats russes, et que les Russes demanderont des comptes aux Français, il dira « mais non, c'est pas des soldats français, c'est des soldats de l'OTAN ». Mais le pays OTAN n'existe pas encore, je crois. Oui, certainement, mais bon... Ces notions sont assez floues, somme toute. Non, mais il y a aussi une culture... Je crois que les gens sous-estiment ça. Les Français sous-estiment beaucoup ça. Ils ont tendance à penser, vous savez, que... Surtout chez les... je sais pas comment appeler ça. Voilà, la droite populiste, la droite nationaliste, les souverainistes. Ils ont tendance à croire que l'armée française... Parce qu'il y a une espèce de vénération pour les corps constitués, notamment la police et l'armée. Et ils se disent que l'armée, en fait, c'est l'instrument aveugle de la politique gouvernementale, mais qu'au fond, ils sont dans une continuité, pardonnez-moi l'expression, parce que je ne la partage pas réellement, mais gaullienne, c'est-à-dire plutôt d'un regard amical vis-à-vis de la Russie dans son temps long historique. Alors rien n'est plus faux. Le corps des officiers français est absolument anti-russe. Absolument anti-russe. Hein. Je veux dire, c'est même grotesque d'ailleurs. C'est franchement grotesque parce que l'état des discussions au sein du corps des officiers français sur ce conflit n'a rien à voir avec l'état des discussions qui existent au sein de ce qu'on appelle la droite en général, la droite nationale encore plus, et même chez les souverainistes, même parce qu'il y a des souverainistes, vous voyez, qui sont pas nécessairement de droite, si vous voulez, voire même de gauche, hein, je veux dire, sociétalement, ils sont pas spécialement racistes ou xénophobes ou anti-islam, je veux dire, ils sont souverainistes, point barre. Et il y a une illusion d'optique qui consiste à croire que l'armée française, en fait, aurait des sympathies pro-russes. C'est absolument faux. C'est totalement faux. Il y a eu un tel travail depuis la guerre froide d'embrigadement au sein de l'OTAN, de formation des officiers, etc., que l'hostilité à l'égard de la Russie comme pays, je ne dis pas comme gouvernement, comme pays, et des valeurs éventuelles que ce pays peut porter, est totale. Donc quand vous entendez des officiers français geindre sur la démocratie, c'est pas un fils illégitime de Bernard-Henri Lévy qui a une illumination, hein. C'est le discours de base des officiers français. C'est un produit manufacturé d'ailleurs, hein. Ça vient des États-Unis principalement. L'amour de la démocratie dans le corps des officiers français, c'est quand même assez récent. Je veux dire globalement, hein, je veux dire bon, mais faut pas se leurrer, quoi. Je veux dire, je pense aujourd'hui qu'il y a un certain nombre d'officiers français qui n'ont qu'une envie, c'est d'aller flinguer des Russes. Hein. Franchement. Ouais. Bon, après, il y a des gens un peu plus rationnels qui disent, attendez, là, c'est une aventure dangereuse, faut être prudent. Hein. Mais non, il y a un certain nombre de têtes brûlées. Et celui-là, le Yakovlev en question, n'est pas du tout un histrion au plan de sa carrière. Hein. C'est un haut gradé. Qui a exercé au plus haut niveau. Hein. Il ne faut pas se dire que le type est un extrémiste sorti de nulle part, que les médias, pour se faire plaisir, mettent en avant. Hein. Le gars est assez représentatif de l'ambiance qui prévaut dans le corps des officiers. Alors, il doit y avoir une minorité qui est plus rationnelle, mais grosso modo, oui, non, ils ont très... Tout simplement pourquoi ? C'est ça, les militaires. Hein. Les militaires, ils ont envie d'utiliser leur flingue. Hein. C'est marrant, c'est rigolo... On va un petit peu se dégourdir les jambes, on a envie d'appuyer sur la gâchette, et voilà, hein, c'est de ce niveau-là. Hein. Puisque le rêve du militaire, c'est d'avoir une guerre durant sa carrière, en fait. C'est ça, quoi. Vincent, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus ? Moi, j'ai à dire que j'ai été proprement horrifié par ce discours, pour deux raisons. D'abord, en effet, c'est que ça nous engagerait dans la guerre. D'ailleurs, il le dit, hein, il dit, mais enfin... Pourquoi est-ce qu'on serait pas co-belligérant? Enfin, bon, ça veut dire qu'on est belligérant. Voilà. Donc déjà, on serait embarqué, encore une fois, dans une guerre qui ne nous concerne pas vraiment directement, je veux dire, au point de vue national. Hein, voilà. Alors, deuxièmement, je retrouve, et c'est là que c'est bien d'avoir des repères historiques, parce que on retrouve le discours tout à fait habituel. Le discours où on nous ressort la liberté, la démocratie, la défense de la justice, et on nous ressort toujours ce discours. Le 3 septembre 39, et le 2 d'ailleurs, le chef du gouvernement français, hein, c'était Édouard Daladier, a dit que eh bien, les soldats français allaient partir, c'était pour préserver la patrie en danger, et c'est que c'était le monde de la liberté contre le monde de l'agression. Alors que Adolf Hitler n'en voulait pas à la France du tout, il avait toujours exprimé, pour ceux qui suivent mes vidéos que Démocratie Participative relaye, et je le remercie, pour ceux qui suivent mes vidéos, surtout les épisodes 16 et 17, on voit bien que Hitler ne voulait absolument rien, n'en voulait absolument pas à la France, qui cherchait à ce qu'elle reste hors du conflit, tout comme la Grande-Bretagne d'ailleurs. Mais non, on nous dit non, le pays est en danger, parce que la démocratie est en danger, et donc, nous sommes tous des Polonais, à l'époque il y a eu des articles de journaux comme ça, et aujourd'hui on nous dit, nous sommes tous des Ukrainiens. Et voilà comment on va nous embarquer dans la guerre, et alors, c'est toujours leur technique qui consiste en fait à provoquer. Voilà, on va envoyer, si on ne l'a pas déjà fait d'ailleurs, On envoie des soldats. Alors c'est pour protéger les civils, c'est pour une espèce de défense antiaérienne pour protéger eux des civils. Bon, mais une fois que les soldats seront là-bas, il y aura forcément des échanges de tirs avec les soldats russes. Et puis, on va de provocation en provocation jusqu'à commettre l'irréparable. Et c'était exactement la stratégie de Roosevelt. Roosevelt, à partir de 1939, mais surtout en 1940, il a commencé à faire des provocations maritimes en... Bon, on va expliquer comment ça s'est fait avec des zones d'exclusion, permission de tirer sur les navires allemands, etc., etc. C'est-à-dire, on franchit étape par étape les provocations, on les organise de façon à être petit à petit embarqué dans la guerre, mais comme on chauffe de l'eau petit à petit, si vous voulez. Donc, c'est-à-dire que le peuple, on lui dit pas d'un coup, non, on va aller dans la guerre parce qu'il faut y aller, non. On prend des mesures qui nous font entrer petit à petit dans la guerre, et voilà comment ça va se passer. Donc, moi, personnellement, j'ai les craintes les plus grandes, et comme tu l'as parfaitement dit, si ce général s'exprime comme ça, c'est pas en son nom propre, hein. Non. C'est qu'il est autorisé, voire même il est invité. Nos gouvernants sont en train, là, de nous faire entrer dans la guerre, mais à mon avis, on y est déjà, hein, parce que j'ai peut-être déjà dit lors d'une émission, j'ai connu un ancien mercenaire français qui me disait qu'au Tchad, où officiellement la France n'était pas engagée, elle ne faisait que fournir de l'armement. Il me disait, c'est pas vrai. La France envoyait des soldats, mais c'était considéré comme mercenaires. Il m'a dit, moi, j'en faisais partie, mais on avait ordre de partir sans papier. Et si on était tué, eh bien, on ne nous réclamerait pas, notre corps pourrirait dans le désert, parce que la France, officiellement, n'était pas engagée. Il m'a dit, la France était totalement engagée dans la guerre du Tchad contre la Libye. Donc, qu'est-ce qui se passe déjà en Ukraine? Je voudrais bien le savoir. Bah, ce que tu as dit me semble assez évident. C'est-à-dire qu'il y a déjà, on sait qu'il y a déjà des soldats présents sur place. Alors bon, est-ce qu'on passe par des mercenaires, etc. Bon, ça pour le moment, on ne le sait pas trop. Bon, il y a eu des cas de membres de la DGSE qui ont été soupçonnés d'avoir été abattus dans un hélicoptère, etc. Bon, peu importe, mais on sait de toute façon qu'ils sont pris. Et d'ailleurs, ça pose la question d'avoir jusqu'à quel degré, en fait, Emmanuel Macron, président de la République française, chef des forces armées, dirige quoi que ce soit. Quelle opération valide-t-il? Qu'est-ce qu'il ne valide pas? Quelles initiatives sont prises par les forces armées en elles-mêmes? Parce que doublées par l'OTAN, par des structures parallèles qui sont contrôlées par les Américains, vous savez, ça pose toute une série de questions, ça. Hein. Parce que Macron est presque un des rares chefs d'État qui essaye, il joue un jeu pathétique d'ailleurs, essayer de garder une ligne avec Poutine, non pas du tout parce qu'il a une sympathie pour Vladimir Poutine, mais pour essayer d'abord d'exister politiquement, parce que c'est un narcissique achevé, mais tout en passant son temps à participer de l'escalade. Alors oui, après il faut regarder les faits les plus bruts, c'est-à-dire, et ça c'est un fait, c'est-à-dire combien de livraisons d'armes la France a-t-elle opéré, les transferts de fonds. Quand on regarde ces données lourdes, hein, c'est vrai que la France ne contribue pas significativement à l'effort de guerre ukrainien. Donc ça c'est un fait, c'est indéniable. Mais l'Union européenne, par ailleurs, le fait. Qui contribue au budget de l'Union européenne? La France. Donc c'est-à-dire que la France, en tant qu'État, peut ne pas soutenir l'effort de guerre ukrainien et, en passant par la caisse commune de l'Union européenne, totalement soutenir l'effort de guerre ukrainien et prétendre être hors du conflit. Donc ce jeu de dupes, bon, ça va fonctionner un temps et puis au bout d'un moment, ça va commencer à tirer. Moi, l'exemple que tu as donné, Vincent, à propos de l'entrée en guerre des États-Unis, qui était voulu hein, dès l'origine par ce fou furieux de Roosevelt, donc associé à un autre fou furieux d'ailleurs, Churchill, Churchill qui a détruit le monde européen, pour ceux qui ne le sauraient pas, là, ils ont des statues partout, c'est pas pour ses vertus, c'est parce qu'il a détruit l'Europe. Hein. C'est uniquement pour ça qu'il en a. Hein. Les Américains en ont fait des gorges chaudes uniquement parce qu'il a permis, il a pavé le chemin de la domination américaine sur le monde, hein, ni plus ni moins. Hein. C'est pas parce que ça a été un grand chef d'État britannique, hein, il a été une catastrophe pour la Grande-Bretagne. Il a détruit l'Empire britannique. Et Roosevelt, qui était un incendiaire né, a multiplié les provocations. Je crois qu'il y a un discours extraordinaire d'Adolf Hitler, justement sur l'entrée en guerre des États-Unis, contre les États-Unis d'Amérique suite à l'attaque de Pearl Harbor. Alors ça lui a été reproché, on a dit, Adolf Hitler a facilité le travail de Roosevelt. Mais en fait, dans son discours, Adolf Hitler explique tout. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il dit « Mais nous sommes déjà en guerre avec les États-Unis. » Et il donne toute une série d'exemples, ça se passe face, c'est au Reichstag, il dit « Mais j'ai fait tout ce que j'ai pu pour donner des gages aux États-Unis, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de conflit entre nos deux peuples, mais nous ne pouvons rien faire, ce pays est aux mains d'un gang de criminels, on ne peut rien faire, la guerre est déjà en mouvement, elle est en mouvement depuis longtemps. Alors bon, j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais au bout d'un moment, que pouvons-nous faire? On ne peut pas non plus se voiler la face. Je veux dire, c'est ce qu'il a dit, quoi. En substance, voilà, on n'allait pas attendre non plus que les armées américaines campent en Angleterre à la veille du débarquement pour déclarer la guerre. Ça n'avait plus de sens. Bon, et en fait, il a oui, c'est exactement ce qu'il a dit. Oui, oui, il a clarifié la situation. Donc, et en fait, nous sommes un petit peu dans cette même situation où on nous met petit à petit devant un fait accompli. Oui, c'est ça. Et on n'a pas de déclaration de guerre, en effet, où Macron nous dit ça, dit non, mais rassurez-vous, voilà. Mais il insulte quand même Poutine dès qu'il a l'occasion. Il insulte les Russes dès qu'il en a l'occasion. Il reprend la rhétorique humanitaire interventionniste dès qu'il en a l'occasion, tout en disant, oui, mais je maintiens la discussion. Oui, mais bon, écoute, au bout d'un moment, une barricade a deux côtés, elle n'en a pas trois. Il y en a deux. Donc, de quel côté sommes-nous s'il y a une guerre? On est contre les Russes. Qu'on m'explique quel est l'intérêt objectif de la France dans une guerre contre la Russie. Moi, je ne vois pas. Alors oui, si on est, par contre, dans la logique messianique du démocratisme global. Alors là, oui, effectivement, les frontières deviennent complètement relatives, les intérêts nationaux sont complètement subordonnés à cette espèce d'idée religieuse, et là, oui, bon, bah, en avant la musique. Mais attention, parce que si on déclare la guerre à la Russie, on déclarera aussi la guerre à la Chine, il faut que les gens le sachent. Parce que ça devient une chose sérieuse, vous comprenez? C'est pas aller rosser un pays d'Afrique. Je sais que depuis que les guerres coloniales, les Français sont plus du tout habitués à s'affronter à un État organisé avec des moyens modernes. Alors on pourra penser de la Russie ce qu'on voudra, on pourra dire, parce que les militaires français adorent se faire des gorges chaudes aussi de ça. Ils disent, oh les Russes, quelle armée, on va rigoler. Ces gens-là, on va en venir à bout en un mois si jamais la guerre... Bon. Ça c'est ce qu'ils nous disent, hein. Bon, mais en attendant, l'armée française, elle est habituée à quoi? À foutre des coups de pied au cul à des peuplades africaines. Bon, c'est quand même pas tout à fait la même chose quand il s'agit des Russes. Alors évidemment, ils disent, oui, non, mais vous en faites pas, il y a les Américains derrière, il y a des moyens quand même, hein, voilà. Bon, oui, mais ça, c'est ce qu'on dit au départ. Les Russes peuvent très bien nous dire, oui, vous avez les Américains derrière, mais nous, on a les Chinois derrière. Ah! Moi, je veux bien qu'on me dise que la Chine, c'est rien, mais c'est quand même 1,3 milliard de personnes. C'est aussi une puissance nucléaire. C'est maintenant une puissance financière et technologique. Si ces gens-là mettent toute leur intelligence et leurs moyens humains dans une guerre mondiale, qu'on ne vienne pas nous dire que ce sera l'histoire de 2 ou 3 mois de randonnée pédestre tranquillement, le temps d'aller à Moscou, c'est pas vrai. D'abord, l'armée française, la dernière fois qu'elle a essayé d'aller à Moscou, ça s'est mal terminé. Et c'est ce qu'on nous dit. On nous dit, voilà, il faut... Non, mais on va y aller, ça va bien se passer, voilà, hey, vous allez voir, on va gagner. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors évidemment, comme ils savent, parce qu'ils sont pas fous, ils savent que l'opinion française n'est pas du tout partante pour une guerre contre la Russie, parce que l'opinion quand même voit bien qu'il n'y a pas d'intérêt objectif de son point de vue. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils nous mettent, ils préparent par un mécanisme d'entraînement, chaque action entraînant une réaction, et qui permet comme ça, petit à petit, d'amener l'opinion à la conclusion finale qu'on attend d'elle, c'est-à-dire qu'elle valide la guerre, ou à tout le moins qu'elle ne proteste pas suffisamment fortement pour ne pas s'y engager, quoi, voilà. C'est ce qu'avait dit Céline en son temps, il avait dit, vous savez, si vous avez envie d'employer votre temps et votre énergie à peu de frais, de manière très, très utile, vous envoyez une lettre à votre député pour lui dire que vous êtes contre la guerre. C'est ce qu'il avait dit, dans une de ses satires, qui lui a été reproché après la guerre. Elle a dit, vous savez, vous prenez votre meilleure plume, belle page blanche, une enveloppe, et vous adressez ça à votre député, et vous lui dites, pas du tout question de partir pour de nous engager dans une guerre qui va nous coûter, qui risque de nous coûter la vie, tout simplement. Oui, mais alors, justement, et c'est là encore une fois que, pardonne-moi, je t'interromps peut-être, mais que l'intérêt, connaître l'histoire est capital, parce qu'on va nous ressortir le coup de « on a tout fait pour éviter la guerre, mais hélas, en face, quel que soit c'est en face, hein, moi je ne juge pas, hein, en face on n'a pas voulu ». Alors justement, c'est là qu'il faut absolument connaître les méthodes des démocraties qui ont toujours fait la même chose, et je l'ai exposé justement dans le dernier épisode qui est sorti, donc je crois que c'est l'épisode 17, où lorsque Mussolini, le 31 août 1939, propose une conférence pour résoudre pacifiquement le différend germano-polonais sur Danzig et le corridor, qu'est-ce que fait l'Angleterre ? L'Angleterre dit à la France, ah ben oui, mais on est des démocraties, on peut pas refuser quand même une initiative pour la paix. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va imposer des positions, on va imposer des exigences, on va formuler des exigences pour que l'Allemagne ne puisse que refuser. Et comme ça, nous, on dira, ben non, nous, on a bien voulu, mais on a juste voulu qu'en plus, il y ait ça comme condition de départ, et c'est l'Allemagne qui a dit non. Et lors de leur conversation privée entre hommes d'État, entre la France, entre Paris et Londres, Londres disait bien, on va imposer cette exigence pour rendre la conférence que propose Mussolini impossible. Mais le refus sera imputé à l'Allemagne. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Donc il faudra absolument se méfier lorsqu'on nous dira « Non, mais là, on a vraiment tout fait pour qu'entre la Russie et l'Ukraine, tout se passe bien. C'est Poutine ou c'est X ou Y, moi, j'en ai rien à faire. » Il a refusé, donc on est obligé de partir en guerre. N'y croyez pas. Référez-vous à l'épisode 17, vous verrez comment les démocraties peuvent le faire. Il y a une citation de Staline d'ailleurs qui était du même genre. C'était un entretien qu'il avait accordé, mais Staline est un homme politique quand même de grande envergure, et il disait: vous pouvez être sûr que quand les démocraties parlent d'une conférence de désarmement, vous pouvez déjà vous êtes déjà sûr qu'ils ont déjà passé les bons de commande pour de nouveaux croiseurs, de nouveaux canons, etc. Enfin, je veux dire, pour tous les hommes politiques expérimentés, on le sait, c'est-à-dire que les démocraties occidentales jurent la paix quand ils sont en train de s'armer jusqu'aux dents. Et c'est vraiment les démocraties, c'est le loup déguisé en agneau. Ah, tout à fait. Et l'hypocrisie absolue. C'est ça, mais c'est vraiment ça, que les gens le comprennent. C'est-à-dire que vaut mieux avoir face à soi des régimes autoritaires qui vous mettent carte sur table, parce que ça, c'est la vertu des régimes autoritaires, ils vous disent ce qu'ils font. Il peut y avoir un peu de dissimulation, mais grosso modo, ils ne cachent que très peu leurs intentions. Par exemple, la Chine cache assez peu ses intentions. Ils ne disent pas, oui, mais non, vous savez, truc. Non, ils sont assez clairs. Ils disent, voilà, nous, on veut ça. Voilà. Les démocraties, c'est toujours complètement différent. Ils disent, ah, non, mais nous, c'est la paix. C'est la paix dans le monde. C'est la liberté, l'amitié entre les peuples, etc. Puis derrière, ils font comme les autres, voire plus. C'est l'arsenal, quoi. Hein. C'est l'arsenal. Ils aiguisent les couteaux. Et c'est comme ça. Voilà. Alors, évidemment, quand vous n'êtes pas dans les arcanes du pouvoir, vous ne le savez pas. Vous croyez la propagande qu'on déverse sur vos têtes, mais les puissances qui ne sont pas des puissances démocratiques et qui ont à faire face aux démocraties, au bout d'un moment, s'en amusent, parce qu'ils disent c'est le catéchisme élémentaire, quoi, des démocraties, quoi. Hein, voilà, tu fais un truc, tu fais l'inverse. Enfin, tu dis un truc et tu fais l'inverse. Voilà. Bah, on a vu ça avec Saddam Hussein. Hein. Kadhafi. Alors, Bachar al-Assad, et pour moi, ça a été un tournant majeur, je crois, c'est que Bachar al-Assad a vaincu le bloc démocratique occidental. Ça a été une énorme victoire du camp autoritaire, à mon sens, parce que pour la première fois, bon, il y avait quand même des équivalents, hein, je veux dire, il y avait la guerre du Vietnam déjà qui avait posé un jalon important, mais Bachar al-Assad a vaincu ce gang démocratique occidental, et ça c'est pas la moindre des performances, parce qu'il partait battu à plate couture, quoi. Je veux dire, c'était le... Je dirais que ce qui a sauvé Bachar al-Assad, c'est quand même l'intervention des Russes. Ah, absolument, bien sûr. C'est pour ça qu'on peut se demander depuis quand dure cette guerre actuelle. Et ben, depuis quand est-ce qu'elle dure? Au moins 2014, hein, moi je dirais. Hein. Oui, au moins. Si on veut faire remonter la genèse, en fait, tu peux dire depuis 1939, en réalité. Et même en poussant très loin, ça fait un siècle qu'elle dure, en fait. C'est toujours et moins la même guerre des démocraties contre le reste de la planète. Hein. C'est toujours la même chose. Hein. Et il passe. Exactement. ils conquièrent un pays, ils le mettent au pas, ils passent au pays suivant. Et ils exploitent le pays qu'ils viennent de conquérir pour le mettre au service de l'effort de guerre. Donc c'est toujours la même chose. Donc ils ont conquis l'Ukraine par un coup d'État en 2014. Ils mettent au pas l'Ukraine, d'accord, alors qu'ils sont, ils sont consentants, pas consentants, ça c'est complètement, secondaire. On les intègre dans l'effort de guerre, et maintenant ça sert de char à canon contre la prochaine étape, c'est la Russie. Si jamais ils arrivent à venir à bout de la Russie, ce sera ensuite la Chine. Ça n'arrêtera jamais, je veux dire, cette folie. Hein. Voilà. Alors, mais... c'est la façon justement de voir des néoconservateurs, c'est que de toute manière, les peuples n'ont pas conscience de ce qui est bon pour eux. Donc du coup... tout est bon pour intervenir et puis de toute façon, quand ils interviennent pas par eux-mêmes, rappelle-toi que c'est toujours via des organisations tierces, des vendeurs d'armes, des mercenaires, etc. À voir d'ailleurs le magnifique, enfin très bon film Lord of War qui explique clairement comment les États-Unis ont fait pour refourguer autant d'armes. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe en Ukraine. Là. Je veux dire, toutes les armes qui vont transiter en Ukraine, on va les retrouver dans le monde. Banlieue française. Hein. Partout dans le monde. Ça c'est des trucs, c'est vendu au marché noir à prix d'or. Zelensky et sa clique touchent à chaque fois un pourcentage sur chaque flingue revendue au marché noir. Et tout le monde dans la combine, je veux dire. C'est-à-dire que les militaires américains sont dans la combine, les politiciens américains sont dans la combine, tout le monde dans la combine. Ça fait partie du deal, quoi. C'est sidérant, mais c'est comme ça. Il y a des Français qui touchent là-dessus. Enfin, tout le monde est intéressé. C'est-à-dire, vous savez, c'est ça les mécaniques. On avait déjà vu ça en Syrie. C'est-à-dire pour mettre en mouvement, si vous voulez, les élites, c'est la corruption. Hein. La corruption fait marcher la machine. Dans toutes les démocraties, ce qui fait marcher le système, c'est la corruption, c'est l'argent. Donc, pour que ça avance, il faut aligner. Il faut les pots de vin. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, voilà... Il y a tant de milliards qui ont été commandés en armes, donc les industries américaines reçoivent la commande. Tout va être revendu au marché noir à droite, à gauche, et sur ces reventes, pour intéresser tous les gens à l'effort de guerre, ils ont le droit à un quota. T'as des mecs au Quai d'Orsay qui touchent, t'as des mecs parmi les journalistes qui touchent, t'as des députés qui touchent, t'as des sénateurs qui touchent, ça c'est juste la France. Pareil en Grande-Bretagne, pareil en Allemagne, pareil partout. C'est-à-dire que tout le monde prend un billet sur la machine. C'est extraordinairement juteux, parce que là, tout de suite, quand on est sur des conflits aussi importants, parce que l'Ukraine pour les États-Unis c'est un conflit inespéré, c'est-à-dire qu'ils pensent pouvoir faire la peau à la Russie, enfin. Et pour eux, ils vont pas regarder à la dépense. Les Américains vont pas regarder, surtout que c'est de la monnaie de singe, ils s'en foutent. Leur banque centrale imprime, c'est le reste du monde qui paye. Donc, faut pas se poser de questions. Ils s'en foutent. C'est une guerre qui, à ce stade, ne leur coûte rien. Donc, ils impriment. Ils ont la monnaie de réserve mondiale, c'est le tiers-monde qui va payer la guerre impériale en Ukraine-Russie. Donc, ils peuvent arroser qui veulent de pognon avec ça. Qui ils veulent. Les volumes d'argent qui circulent là, ça doit être complètement fou. La Syrie, tout ça, c'est peanuts à côté de ce qui se passe actuellement en Ukraine. Donc on est sur quelque chose de très très important. Donc là, il y a des jeux en sous-main qui se font comme dans toutes les démocraties, parce que rien n'est connu, tout est dissimulé. Et donc on nous entraîne. Et le général en question, évidemment, fait partie de cette boucle de corruption, donc il arrive avec, il vend ses galons, hein, voilà, et il arrive et il dit voilà, il faut y aller, etc. Et comme les gens n'ont pas de notion de ce que c'est une guerre aujourd'hui, parce qu'ils n'en ont pas connu sur le territoire français depuis très longtemps, pour eux, d'abord, c'est pas différent d'une guerre en Irak ou dans un pays du tiers-monde, ils disent seul bout de l'Europe, je sais pas quoi. Oui, on y va, ouais, pourquoi pas, ouais, c'est marrant. Et puis Poutine, j'aime pas sa gueule, puis il aime pas les homosexuels, moi j'aime pas ça, etc. Voilà. Bon, le compte gauche de base, quoi, ouais, ça marche, c'est vendu. Mais les gens ne comprennent pas les implications réelles pour eux. Alors là, maintenant, cet hiver, je pense qu'ils vont commencer à les sentir, les implications réelles. Hein. Je pense qu'ils vont commencer à prendre la mesure de ce que c'est un vrai conflit. Alors quand on va expliquer aux Français que va falloir se démerder avec 18 degrés en hiver en appartement, ce qui n'est pas excessif, hein, je veux dire, ça va, ça reste le Club Med hein, par rapport à des vraies conditions de guerre. Hein. Ils vont commencer déjà à tousser un petit peu, avec le carburant, ils commencent à tousser, etc. Mais en fait, comme l'État français imprime à fond, arrose tout le monde de pognon, globalement, les gens ne sentent pas. C'est de l'anesthésie générale. Comme les gens sont anesthésiés par l'argent public aujourd'hui à des niveaux jamais vus, tu peux leur dire à peu près n'importe quoi, ils ne mettent pas ces déclarations face à leur réalité, parce qu'ils ne ressentent rien aujourd'hui. Quand ils vont se mettre à ressentir sur les prix de la nourriture, les prix du carburant, les prix de l'énergie, tout spécialement en hiver, sur le fait que les entreprises françaises deviennent complètement non performantes à l'étranger parce qu'elles ne peuvent plus rien vendre, là, ça va commencer à changer. Les gens vont commencer à faire le rapport entre les décisions qui sont prises par la clique de Macron et l'orientation générale de ce conflit-là. Bah d'ailleurs, c'est le cas déjà en Allemagne. Je veux dire, la première fois que depuis des années, depuis une vingtaine d'années, que l'Allemagne est en déficit commercial. La France est créante. Ça commence. Bien sûr. Vous avez vu le déficit? Mais ça, on a l'habitude. Non, mais là ils en font sous les plafonds. Là. Vous n'avez pas vu ce qui se passe. Au mois de juin, ils sont à 120 milliards de déficit. C'est 6 mois, ils sont à 120 milliards. Non, c'est l'économie française est en train de s'effondrer. Mais ils diront encore c'est la faute à nos grands ennemis, aux ennemis de la liberté, etc. Regardez ce qui s'est passé, encore une fois, je reviens à la période 40. La France déclare la guerre absolument pas préparée. Tout le monde le savait qu'on n'était pas préparé. On se prend une raclée mémorable. Et je veux dire, bon, il y a un petit, en juin, juillet, août 40, les Français disent « Vraiment, mais qu'est-ce qu'on fait nos gouvernants ?» Et dans les mois qui suivent, ça y est, ils sont à nouveau anglophiles. C'est incroyable. Le retournement des esprits, en fait, c'est pour ça que je crains le pire, encore une fois. Oui, merci. J'allais dire, justement, je pense qu'on a le même phénomène ici, avec les sanctions qui ont été lancées sans être vraiment préparées, et comme tu l'as évoqué, Gandalf, qui vont absolument détruire notre économie. Et pour reprendre un petit peu l'analogie que tu faisais tout à l'heure, de quel côté on est de la barricade, j'ai l'impression que nous, Européens, on est plutôt sur la barricade et qu'on va être pris entre deux feux. Oui, je pense que l'analogie est plus correcte, effectivement, de présenter comme ça. Oui, on est vraiment pris entre les Américains et les Russes. Mais parce qu'on le veut bien, je veux dire, parce qu'on est faible, parce qu'on n'est pas au niveau. Hein, voilà, faut pas non plus tout le temps rejeter la pierre. Parce que les Français, on l'a dans le camp des vainqueurs, mais en fait, ils comprennent pas qu'ils sont la charrette à canon. Oui, les déclarations de Macron sont intéressantes. Avant qu'on passe au dernier point de cette discussion, donc alors c'est très révélateur, hein, mais tu vas jouer sur du velours, Vincent. Très bien sûr. Je cite l'Obs. Emmanuel Macron a dénoncé ce vendredi 19 août l'attaque brutale de la Russie en Ukraine et appelé les Français à accepter, je cite, de payer le prix de la liberté face aux conséquences en Europe. Bon, je pense à notre peuple, auquel il faudra de la force d'âme pour regarder en face le temps qui vient, résister aux incertitudes, parfois à la facilité et à l'adversité, et unis, accepter de payer le prix de notre liberté et de nos valeurs. Rien que cette déclaration suffira en soi à faire une émission de 2 heures, hein, a lancé le chef de l'État lors d'une cérémonie pour le 78e anniversaire de la libération de Bormes-les-Mimosas dans le Var le 17 août 1944. Donc évidemment, cette déclaration, ce discours n'est pas fait par hasard dans ce lieu par hasard, avec cette référence par hasard. Voilà, mais ça je laisserai Vincent revenir à ça. Donc quand on nous dit « non mais il faut arrêter de parler du passé », moi je veux bien. Les dirigeants français, ils ne veulent pas. Ils ne sont pas intéressés. Mais... Depuis l'attaque brutale lancée par Vladimir Poutine le 24 février dernier, donc je cite là encore Macron, hein, la guerre est revenue à quelques heures de nos frontières sur le sol européen, a-t-il souligné, après s'être entretenu quand même, hein, dans la journée par téléphone avec le maître du Kremlin, de l'envoi d'une mission d'experts à la centrale nucléaire de Zaporizhia, cible de bombardements récurrents, d'origine ukrainienne d'ailleurs, hein, qui laisse craindre un nouveau Tchernobyl dans le sud de l'Ukraine. Alors c'est une centrale nucléaire absolument cruciale. 25% de l'énergie, 20% on va dire, de l'énergie ukrainienne est produite dans cette centrale nucléaire, la plus grande d'Europe. Forcément avec le Dnieper qui passe à proximité, on peut refroidir beaucoup de... très efficacement en fait les réacteurs. Et donc grâce à ça, les Russes contrôlent tout l'approvisionnement en énergie du sud de l'Ukraine. Donc c'est un point stratégique absolu. Que jamais les Russes ne céderont, hein, voilà, et d'où les provocations, chacun le comprend. Le chef de l'État a appelé à avoir une pensée pour le peuple ukrainien, bon ça coûte pas cher, qui résiste héroïquement aux assauts terribles de l'armée russe et de ses supplétifs. Oui, les fantômes de l'esprit de revanche, les violations flagrantes de la souveraineté des États, l'intolérable mépris des peuples, la volonté impérialiste ressurgissent du passé pour s'imposer dans le quotidien de notre Europe, de nos voisins, de nos amis, a-t-il martelé. Et il pense évidemment très fort à Adolf Hitler. Le président avait déjà préparé les Français une rentrée et un hiver difficiles lors de son interview du 14 juillet en raison des risques de pénurie d'énergie et de la flambée des prix induits par la guerre en Ukraine. Il faut nous préparer tous à ce que la guerre dure. L'été et le début de l'automne seront sans doute très durs, avait lancé le président en évoquant la situation d'économie de guerre auquel le pays est confronté. Alors l'été s'est très bien passé, hein, surtout tout le monde est en vacances, tout le monde s'éclate, il n'y a aucun souci, hein, en fait. Par ailleurs, hein, je tiens à le préciser, l'hiver sera très différent. Alors, je donne la parole à Vincent, évidemment, qui doit rigoler dans sa barbe, bien qu'il n'en ait pas. Qu'est-ce que tu veux nous dire là-dessus? Ah bah, rien, c'est que tout le monde sait, hein, c'est que voilà, on voit encore une fois l'utilisation du passé de l'histoire écrite par les vainqueurs pour justifier aujourd'hui tout ce qui est injustifiable. Et tu l'as très bien dit, encore une fois, quand on dit « mais on n'en a rien à faire du passé », oui, mais celui qui contrôle l'histoire, celui qui contrôle le récit du passé, contrôle l'avenir et peut manipuler les peuples comme il le veut. Hein. Voilà, il suffit de parler d'agression, du mépris des peuples, du mépris de la souveraineté des États, tout de suite, c'est Adolf Hitler en Pologne. Hein. Donc on est toujours dans l'utilisation de cette histoire écrite par les vainqueurs afin de dire aux gens, vous voyez, ce qu'ont vécu vos grands-parents ou vos arrière-grands-parents, surtout, il ne faut pas refaire la même erreur. Cette fois, il faut y aller franchement, il ne faut pas laisser, etc. Puis alors, il y a aussi en effet cette partie du discours qui consiste à dire il va falloir payer le prix de la liberté. Ce que exactement on a dit lors des bombardements alliés sur la France. C'était le grand truc, hein, c'était « Ah mais ouais, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est le prix de notre libération. » Oui, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Hein, voilà, en gros. Voilà, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, c'était le prix de la libération, etc. Mais ce qui démontre que tous ces discours sont faux, c'est que si vraiment ça avait été le prix de la libération, si vraiment ça avait été un sacrifice nécessaire et légitime, mais dans toutes les villes bombardées, on aurait gardé au moins une ruine, il y aurait un monument, il y aurait des festivités, enfin des cérémonies, des commémorations tous les ans. Or, on n'en entend jamais parler. Il n'y a jamais de commémoration, jamais rien. C'est-à-dire que après la guerre, eh bien, on s'est empressé de jeter un voile pudique, moi je dirais impudique, sur tous ces morts français. Hein. Et alors, ce qui a été d'ailleurs relativement dommage, c'est que toutes les victimes, les survivants des familles qui avaient été touchées, eh bien, n'ont pas osé faire des associations qui auraient dit, ouais. Bah, on voudrait peut-être qu'on se souvienne de nos morts. Non. Parce qu'il y avait naturellement, faire ça, ça aurait été dire quoi, vous reprochez aux alliés de nous avoir libérés du monstre absolu qui a fait un génocide de 20 millions de personnes et blablabli et blablabla et aux Juifs c'est blablabla, blablabla. Oui, bon, tout le monde était tétanisé et personne n'a rien dit. C'est pour ça qu'aujourd'hui c'est totalement oublié. Quand on nous ressortira l'argument de dire, ouais, mais ce sera, vous savez, les souffrances que vous allez vivre, c'est le prix de la liberté, etc. Bon, ben, le moindre regard sur l'histoire nous démontrera que ce sont des faux discours, tout ça. On nous ressort exactement, je ne croyais pas que je vivrais ça dans ma vie. On nous ressort pour notre pays, 100 fois plus qu'en Irak, les mêmes discours d'il y a 80 ans maintenant. Incroyable. Évidemment, on ne peut pas refaire, je veux dire, la généalogie du discours démocratique, même en France. Hein, je veux dire. Le malheur de la France, en fait, c'est que de Gaulle a pu créer cette fiction de victoire en 1945, ce qui fait que la France peut se mentir à elle-même. La société française a pu se mentir à elle-même et se rebâtir sur un mensonge. Alors c'était un mensonge pieux, hein, Dixit les gaullistes, mais c'est un mensonge. Donc déjà que la France était victorieuse, et victorieuse sur quelles idées? Bah les idées démocratiques. Ah oui, bah du coup, ça a été ajouté assez vite dans la Constitution française, de la 4e République et ensuite de la 5e, notamment dans la 5e par Debré explicitement, toute la dimension antiraciste, c'est-à-dire que en vis-à-vis du national-socialisme, qui cherchait en fait à... Alors évidemment, qui était germano-centré, mais enfin, qui essayait de sauver l'Europe de l'anéantissement. Et il ne faut pas s'étonner, si vous voulez, quand on célèbre, comme Macron, en fait, la pseudo-libération. Donc la France n'est pas libérée, ça c'est des conneries, ça. La France n'est pas libérée, déjà d'une part, parce qu'elle n'avait pas envie d'être libérée. Là, tous les témoignages de l'époque sont absolument, à commencer par les généraux anglo-américains, sont absolument formels là-dessus. Les Français ne voulaient pas être libérés, en fait. Ils étaient très contents, comme ils étaient en 1944, avec les anglo-américains loin de leurs frontières. De Gaulle l'a admis en 1949 dans des confidences qui sont maintenant connues, en disant que la soi-disant campagne de libération de la France en 1944, avec les troupes venues d'Afrique du Nord, de la France, et bien, c'est une mystification. Il dit même que c'était des Arabes et des Nègres, c'était des Bicots et des Nègres. En plus, il le dit comme ça, donc il parle comme démocratie participative, en plus, c'est ça qui est drôle. Il le dit en ces termes, il dit que c'est une mystification, les Français n'étaient pas intéressés, ils ne voulaient pas être libérés. Et De Gaulle d'ailleurs le dit avec effroi d'ailleurs hein, dans son constat, il dit c'est non, les Français voulaient pas, ils étaient pas intéressés par cette soi-disant libération. Alors voilà, on a monté cette fiction. Moi j'ai réussi à remonter l'État français avec ce que j'ai pu. J'ai bricolé politiquement, les Britanniques m'ont accepté, les Américains m'ont accepté, les Soviétiques ont fini par m'accepter. Voilà, mais c'était pour la photo. C'est en pratique, il n'y a eu aucun soulèvement de masse contre l'occupant allemand tel que De Gaulle l'imaginait d'ailleurs. Hein. De Gaulle croyait vraiment que les Français allaient par millions se révolter contre l'occupation allemande. Et ça s'est pas du tout produit. Mais de là est quand même né un mythe que tout le monde, par convention, a ensuite absorbé. C'est-à-dire les anciens collaborateurs qui ont voulu rentrer dans le rang. Je juge pas les gens là. Mais en 1944, 45, 46, 47, il y a toute une série de gens qui avaient collaboré qui étaient des fonctionnaires d'État de Vichy, convaincus ou simplement qui suivaient simplement, mais qui se sont dit bon voilà, c'est le nouvel ordre des choses, moi je rentre dans le rang, je vais pas parler de moi, j'ai mes petites opinions de mon côté, mais bon, je fais comme si, voilà, et je rentre dans le nouveau système. Et j'adhère au nouveau discours, voilà, mais en fait, on fait partie des puissances victorieuses, etc. Voilà, bon, bref. Et ensuite, il y a ceux qui, enfin, les pseudo-résistants qui ont pris des positions de pouvoir et qui ont besoin de cette mystique résistentialiste pour justifier leur pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Et Macron, quand il fait ce qu'il fait, là, dans le Var, il reprend le truc. C'est-à-dire que pour justifier l'existence du régime, il faut revenir à la geste fondamentale de la lutte contre le national-socialisme. Hein. C'est fondateur. Hein. Ils ne peuvent pas faire autrement, encore aujourd'hui. Donc il faut aller voir des vieux là qui ont la barbe, qui tremblent dans la soupe, raconter je sais pas quoi qu'ils ont libéré, alors qu'ils n'ont rien libéré, parce que en fait les Allemands avaient reçu les ordres d'évacuer, tout simplement. Et voilà. Et donc en fait tout le monde se ment, mais ça arrange tout le monde. Mais par ce biais-là, la France a maintenant une identité nationale qui est une identité résistentialiste, fondée sur un mythe mensonger, et sur des valeurs qui sont des valeurs qui sont destructrices, puisque là, si vous voulez, bon, l'antifascisme, l'antiracisme, l'universalisme, là, vous avez, comme nation, vous êtes foutus, quoi. Vous dites, ok, on ne peut pas en sortir. Si c'est ça, votre identité nationale, de ne pas avoir de frontières, d'aimer tout le monde, vous êtes foutus. C'est la définition d'une nation, c'est d'être en armes contre les menaces extérieures. Hein. Le reste, c'est du pipeau. Et alors enfin, quand il nous dit, enfin j'en termine, quand il dit, nos valeurs, alors déjà nos valeurs, c'est quoi les valeurs de la France aujourd'hui? C'est l'homme enceint? Nègre? Du planning familial? Apparemment c'est ça, nos valeurs. Alors quand il dit nos, c'est qui nous? Parce que c'est pas les miennes, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui disent aussi c'est pas les miennes, donc c'est qui nous? Vous voyez, c'est des mots qui ne veulent rien dire dans tout ce qu'il dit, nos valeurs, notre liberté, la liberté de qui? Vous avez vu, là, le journal Rivarol interdit de circulation partout. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est horrible, là, voilà. Donc on interdit des journaux de circuler en France parce que les Juifs se sentent offusqués, les mêmes Juifs qui appellent à la guerre totale contre la Russie. Et on nous dit, oui, non, mais c'est pour la liberté. Mais la liberté de qui? Des Juifs? Bah d'accord, mais la liberté des goïms, ça compte à un moment donné ou quoi? On a le droit de s'exprimer ou quoi en France? Bah visiblement pas. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ces mots que Macron utilise? Bon, vous avez compris, c'est une mystification. Et enfin, quand il dit, voilà, à l'époque, il dit quoi ? L'impérialisme, l'agression contre les peuples, ou je ne sais quoi. Enfin, la France était une puissance coloniale en 1945. Enfin, chacun pense à ce qu'il voudra de l'ère de la colonisation. Enfin, de facto, la France était une puissance coloniale. Les sujets coloniaux de la France n'avaient pas leur mot à dire dans la direction des affaires de leur propre pays, à ce que je sache. Ni les Algériens, ni les Tunisiens, ni les Marocains, ni les Indochinois, ni les Noirs d'Afrique, qui étaient sous la direction coloniale de l'Empire colonial français, n'avaient leur mot à dire. Donc qu'est-ce que ça veut dire les mots impérialisme, peuple opprimé, etc. Quand on parle de 1945, la France, en 1945, est une puissance coloniale. Donc elle occupe des parts de continents entiers et elle ne demande pas leur avis aux populations indigènes. Alors c'est quoi le reproche qui est fait à l'Allemagne ? Vous voyez, c'est ce bal des faux culs qui est insupportable. Donc en fait, dans toute cette phraséologie démocratique républicaine, la classe dirigeante française ne retient que ce qui l'intéresse et qui colle à ses intérêts. Donc quand on a envie de blâmer Adolf Hitler, on lui dit « Ah oui, là, vous violez les frontières, monsieur. Vous êtes impérialiste, monsieur. Bah, » Adolf Hitler dit « Vous êtes bien gentil, mais moi, autant que je sache, l'Allemagne que je dirige en 1939, hein, j'ai pas de colonie. Vous, si. » Qui occupe qui ? Vous voyez ? C'est bon, et ça, c'est juste un exemple. Hein, donc en fait, évidemment, tout le monde a compris que on ment, on déforme l'histoire pour mener les peuples par le bout du nez. Personne n'est dupe et je ne vais pas non plus jouer la Vierge effarouchée en me disant « Tiens, c'est bizarre, les dirigeants mentent à leur peuple. » Donc ça, oui, non, on le sait. Mais enfin, là, ça recommence. Donc on veut nous mener à l'abattoir. Bon, les gens n'ont pas l'air alertés. Hein, je regarde l'attitude des gens aujourd'hui, là, l'été 2022. Les gens n'ont qu'une obsession. C'est de se rafraîchir, quoi. Donc, cet hiver, ça, ils vont se plaindre parce qu'il fait trop froid. Qu'est-ce que vous voulez faire avec les gens pareils ? Mais justement, c'est ce qu'avait fait remarquer le député belge, je crois, là, au Conseil européen, là, au Parlement, il avait remarqué que cette, l'hypocrisie, justement, des Occidentaux, et ça, encore une fois, ce que tu dis par rapport à la France qui était colonialiste et qui faisait des procès d'atteinte aux libertés des peuples à l'Allemagne, bah ça encore aujourd'hui c'est un truc qui est remarqué. Les Africains font d'ailleurs, certains Africains font remarquer que la France a colonisé, elle a pu faire du mal, enfin en tout cas eux c'est ce qu'ils estiment à l'Afrique et que la Russie n'a jamais fait de mal à l'Afrique. Donc du coup bah c'est pas étonnant de les voir éjecter les Français en leur disant vous quand nous cassez les pieds, on va faire appel aux Russes. Quoi. Donc encore une fois, c'est une hypocrisie européenne, moi que je trouve aussi nauséabonde. Quoi. Ouais, non, mais ça, il y a une incapacité. Moi, je vois la presse de gauche qui se scandalise que les Russes arrivent au Mali. Ils disent oui, mais c'est une dictature et ça. Mais c'est quand même être incapable de se mettre à la position de ces peuples-là. On en pense ce qu'on veut de la mythologie anticolonialiste dans ces pays-là. Parce que la colonisation, c'est un fait historique avec des aspects positifs nets et des aspects négatifs nets pour les peuples concernés, d'accord ? Voilà, c'est pas par philanthropie que les puissances européennes sont allées dans ces pays-là, mais tout n'a pas été non plus intégralement néfaste. Enfin, ça c'est une caricature. Mais il faut quand même se mettre à la place de ces gens-là. Trois secondes. C'est-à-dire que quand les mecs nous disent « Non, non, mais c'est bon, voilà, la présence coloniale, on a essayé, on nous a pas donné notre avis, on n'est pas friand, on n'en veut plus, les Russes, pourquoi pas ?» Quand tu vois les réactions des élites, mais j'insiste, de gauche, qui se scandalisent de cette attitude des Africains, en disant, mais ils disent pas ça comme ça, mais c'est presque ça, ils disent, ces nègres sont vraiment des cons, ils sont pas capables de savoir ce que c'est la vertu de la démocratie, regardez-les, ils vont vers les Russes. C'est fascinant, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tous les réflexes coloniaux qui rejaillissent, quoi. Voilà, ils ont beau se dire ouais, amis de l'humanité, amis des droits de l'homme et tout, bah c'est au fond, quand tu as les élites parisiennes, très blanches d'ailleurs, hein, voilà, ou juives d'ailleurs, en fait, il y a quand même certains réflexes, ils ont beau dire tout ce qu'ils veulent, qui sont intacts hein, de ce côté-là. Hein. Donc, du point de vue des Africains, bah oui, évidemment qu'ils préfèrent les Russes ou les Chinois. Alors, je dis pas qu'ils ont raison, parce que ces gens-là sont intéressés aussi, mais ils se disent, bon, ça va, on sort de quelques siècles de présence européenne, on va tenter autre chose, voilà. On verra bien ce que ça donne, mais on va tenter autre chose, voilà. Et si ça vous plaît pas, vous les Européens, allez vous faire foutre. Et surtout, vous les Français, allez vous faire foutre. Et là, t'as les mecs de gauche qui sont, mais comment hostile, comment ces nègres ne comprennent pas notre qualité morale. Bon, bah voilà, bon, bref, vous avez compris. Alors, ça oui, vas-y, pardon, Vincent, vas-y. Non, je t'en prie. Non, mais je t'en prie, c'est bon, c'est bon. Avant de nous séparer, vite fait... Il y a eu un attentat qui a eu lieu en Russie, donc c'est une escalade qui n'en est pas vraiment une, vous allez comprendre pourquoi je dis ça, qui a visé donc Alexandre Dugin, attentat à la voiture piégée. En fait, c'était pas la voiture piégée, c'est les techniques qu'on a vues en Irak, hein, Afghanistan-Irak apparaître il y a une vingtaine d'années, vous savez, c'est les mines hein, qui sont posées sur les trajets de voitures, qui peuvent être téléguidées de différentes façons, je ne vais pas rentrer dans les détails, et qui devait tuer Alexandre Dugin, présenté en Occident par la presse occidentale comme étant l'éminence grise du Kremlin. Je voyais BFM TV qui disait que c'était un proche de Poutine, et qui a tué sa fille, puisque la dernière minute, Alexandre Dugin n'a pas pris le véhicule qu'il devait prendre, et sa fille a pris leur voiture, en fait. Hein, la fille de Daria Dugin conduisait la voiture... que devait prendre Alexandre Dugin. Donc sa fille est morte. Les images ont circulé d'Alexandre Dugin face à la voiture en flammes avec sa fille à l'intérieur. C'est, je dois dire, assez tragique. Bon, évidemment, le monde est tragique d'une manière générale, mais bon, c'est que ce sont quand même des images incroyables à n'en pas douter. Alors, je voulais dire plusieurs choses là-dessus. Puisqu'évidemment Dugin est une figure de ce qu'on a appelé le nationalisme révolutionnaire, une famille de pensée assez intéressante avec laquelle on peut avoir des accords et des désaccords, mais enfin, en tout cas qui n'est pas au plan purement idéologique dépourvu de matière à travers le temps. On peut tracer son origine d'ailleurs en Allemagne, hein, bien sûr. Avant la prise du pouvoir par les national-socialistes, hein, c'était un sous-courant du national-socialisme, avant d'être neutralisé d'ailleurs, hein, avec les frères Strasser, bien sûr. Et y a plusieurs choses à en dire. Alors d'abord, sur l'acte en lui-même, on pourrait être tenté de croire... D'abord, Dugin n'est pas un proche de Vladimir Poutine du tout. Hein. Ça, c'est la première chose. On pourrait être tenté de croire l'analyse occidentale qui consiste à dire « Oh là, c'est une escalade considérable, etc. » C'est pas vrai du tout. Si on voulait, si les Ukrainiens, les services ukrainiens ou Zelensky voulaient véritablement s'en prendre aux proches de Vladimir Poutine, ce n'est pas du tout Alexandre Dugin qui serait ciblé. Hein. Il y a des gens beaucoup plus intéressants qui seraient ciblés, et qui serait d'origine juive, faut le dire. Abramovitch, par exemple, qui sert d'intermédiaire absolument entre les intérêts occidentaux, juifs, et la Russie, qui sert un petit peu de point de contact. C'est pas un hasard, bien sûr, et croyez-moi bien qu'Abramovitch n'a strictement rien à craindre de la part de ses coreligionnaires établis à New York. Donc, attaquer Dugin, c'est faire les gros titres sans s'attaquer au cœur du pouvoir russe. Hein. Dugin n'a jamais été influent dans la prise de décision en Russie. Jamais. Ça n'existe pas. Son nom est constamment cité dans la presse comme étant une éminence grise, etc. C'est un épouvantail, ça n'est pas vrai. Donc, comment faire les gros titres comment, de la presse à sensation, comment impressionner les Américains qui sont vite influençables et impressionnables? Eh bien, on essaie de cibler quelqu'un qui est connu dans la presse occidentale pour dire, voyez, vous avez vu, on est efficace, on fait des trucs. Non, ça n'est pas vrai. Donc, le cœur des intérêts russes, le cœur du cercle dirigeant russe n'a pas du tout été visé par cette attaque. Donc, on oublie l'histoire de c'est un proche de Poutine, c'est l'éminence grise du Kremlin, il a façonné la pensée du Kremlin au plan géopolitique. Tout ça, c'est faux, c'est pas vrai. Voilà, il a pu... dire des choses ou théoriser des points de vue qui ont pu, j'allais dire, converger avec des prises de décision russes a posteriori, mais il ne les a jamais inspirées. Ça, c'est une vue de l'esprit. Ça, c'est la première chose. Donc, on peut tout de suite évacuer cette dimension-là. Je crois qu'il y a un côté sensationnaliste de la part de la bande autour de Zelensky et de quelques juifs. Je tiens aussi à préciser que personnellement, je n'ai aucune espèce de sympathie pour les orientations politiques de Douguine, qui est quelqu'un qui a dit beaucoup de choses durant sa vie, des choses souvent, j'allais dire, outrancières. Outrancières, c'est pas un reproche de ma part. Je veux dire, parfois, on peut être outrancier, mais je veux dire, outrancière intellectuellement, je veux dire, où on voyait bien que ça ne pouvait pas déboucher sur quelque chose de concret. Bon, aimant aussi beaucoup la provocation à peu de frais, etc. Donc, ce qui en a fait, paradoxalement, une cible intéressante à peu de frais. C'est-à-dire, forcément, si vous êtes un provocateur à peu de frais, ben, on peut se débarrasser de vous à peu de frais. Et vos ennemis peuvent avoir l'impression d'avoir réalisé quelque chose sans vraiment avoir réalisé grand-chose, en fait. Et c'est ce qui s'est passé, je crois, là. Bon, l'idéologie profonde de Douguine, à très grands traits, bon, bah, c'est quelqu'un qui trempe dans tous les trucs kabbalistes possibles et imaginables. Dès qu'il en a une opportunité, il s'affiche avec des rabbins. Bon, faut être un petit peu sérieux, quoi. Je veux dire, bon, c'est pas nos références, ça sera jamais nos références. Je me félicite pas du tout de ce qui s'est passé, je précise, hein, je trouve que ce type d'attaque est assez symptomatique de la médiocrité de ceux qui les ont commises, de ceux qui l'ont commise, mais je veux dire, l'idéologie de Douguine n'apporte rien, je veux dire, n'apporte rien, voire même nous est complètement étrangère, hein, je veux dire. Alors, quelle est-elle? Alors, c'est l'eurasianisme. Alors, là-dedans, c'est toujours pareil. On met ce qu'on veut là-dedans. C'est l'Eurasie, c'est quoi? Ça commence où? Ça finit où? Un monde multipolaire, oui, c'est contre les États-Unis, oui, d'accord. Mais enfin, si les États-Unis ne sont plus la première puissance dominante, qu'est-ce qui se passe de ce monde eurasiatique? Ben, il implose. Voilà, définition de l'ennemi classique. Voilà, c'est que tant que l'ennemi est là, d'accord, ça marche. Après, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc, créer des théories. Avec des bouquins et des bouquins et des bouquins pour un truc qui est en fait uniquement passager, c'est pas très intéressant. Bon, voilà, donc en fait, au fond, voilà, c'est pas très intéressant. C'est pas très intéressant, mais bon, ça traduit quand même une volonté d'en découdre avec certaines personnes qui, en Russie, développent des points de vue. Voilà ce que je veux dire. Donc je suis, comme vous le constatez, hein, mitigé là-dessus. Voilà. Enfin bon, l'acte en lui-même, évidemment, je ne suis pas du tout. Je ne m'en félicite pas. D'autant que ça ne vise pas d'ailleurs l'intéressé. Parce qu'au final, ça vise l'intéressé, mais ça ne l'atteint pas. Donc c'est sa fille qui paye. Ceci étant dit, j'ai vu qu'il y a eu ce type de réaction. Oui, non, mais c'était un intellectuel. Il n'a pas commis de crime, etc. Personnellement, et bien que je réprouve les actes asymétriques du type, ce qu'on appelle le terrorisme, enfin bon, les attentats asymétriques contre des personnes comme ça, moi je n'y souscris pas. Je veux dire, quand on a des positions politiques, qu'on y croit, que dans une guerre on soutient un parti, si ce parti décide de vous cibler, parce que vous êtes quelqu'un qui, par votre activisme intellectuel, idéologique, politique, encourageait l'effort de guerre, vous êtes une cible légitime. Voilà. Je n'aime pas ce type de méthode, qui ressemble plus à des méthodes de la mafia qu'à autre chose. Ceci étant dit, si vous êtes quelqu'un qui est favorable à l'effort de guerre de votre pays, le camp d'en face peut vouloir vous cibler. Ce n'est pas du tout inacceptable, mais le type de méthode, en revanche, utilisé, lui est assez désastreux. Et alors j'en termine, ensuite je donne la parole aux autres participants. Les gens pourraient dire, ah oui, non mais bon, surtout les Ukrainiens vont dire ça, Douguine a appelé à soutenir les bombardements contre les Ukrainiens, donc qu'il n'aille pas se plaindre quand ça lui tombe sur le coin de la figure. Finalement, œil pour œil, dent pour dent. Alors je l'ai dit, effectivement, quand on est un cadre politique qui soutient un effort de guerre, on est une cible légitime, c'est un fait. Ceci étant dit, il y a une différence fondamentale dans les deux cas, c'est que d'un côté, on a une armée régulière qui mène des opérations sous uniforme. De l'autre, on a une bande non déclarée qui assassine sans revendiquer. Il y a une différence fondamentale. D'accord ? Donc si des hommes du camp ukrainien assassine Alexandre Douguine en revendiquant l'acte, c'est une chose. Mais comme je l'ai vu et comme ça a été dit par le gouvernement ukrainien, ils prétendent n'avoir rien à faire là-dedans. Bon, ça, c'est des méthodes de mafieux juifs. C'est des méthodes de mafieux juifs. Bon, voilà. Maintenant, les idées de Douguine, on les laisse où elles sont, elles lui appartiennent, elles s'adressent à son public, qui y souscrit ou pas, je ne sais pas. C'est autre chose, mais bon, si vous voulez, on voit quand même quelles méthodes sont utilisées, par qui, et au final, qui ne touche pas à la cible. Et c'est pour ça que, personnellement, je réprouve totalement le terrorisme. Enfin, ce qu'on appelle le terrorisme au plan tactique, je veux dire, les voitures piégées, etc. C'est que, très souvent, ça se passe mal. Hein. Très souvent, il y a un gamin qui passe à côté avec sa mère. Le gars qui est censé être à cet endroit-là n'y est pas, et c'est le gamin qui est tué. Bon, voilà. Non, ça, c'est pas des méthodes, à mon sens, c'est pas des méthodes qui appartiennent à la culture européenne et à l'approche qu'on a de la guerre. Voilà, je le dis, je pense que c'est pas la façon de procéder. Bon, voilà. Alors, je sais que la guerre, c'est dur, mais voilà. Voilà ce que j'avais à en dire. Donc j'ai un avis mitigé sur toute cette question. Ce qui, je crois, est sûr, en guise de conclusion, c'est qu'évidemment, cet assassinat, même si Douguine n'est pas proche de Poutine, les Russes, pour des raisons de prestige, seront obligés de riposter. Fatalement. Et s'ils ont réussi une chose avec cet attentat, c'est de renforcer Douguine dans l'opinion publique russe et lui donner une position qu'il n'avait pas auparavant dans l'opinion publique russe. Voilà, voilà tout ce que ces gens ont réussi, donc les mafieux autour du juif Zelensky. Voilà ce que j'ai à en dire. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus, si vous avez quelque chose à en dire? Eh bien, j'abonderai dans ton sens, totalement d'ailleurs, et j'ajouterai que oui, effectivement, Douguine, en fait, est victime aussi du récit médiatique qui est fait autour de la guerre en Ukraine, c'est-à-dire que jusqu'alors, par exemple, on nous vendait une contre-attaque qui devait avoir lieu à Kherson par l'armée ukrainienne, voyant qu'elle ne vient pas, et pour ne pas décourager à la fois les troupes et à la fois ceux qui financent la guerre, c'est-à-dire les Occidentaux, je pense qu'il leur fallait une nouvelle affaire, et que cette nouvelle affaire est tombée sur Douguine, donc il est vraiment la victime de ce récit médiatique construit de fond en comble par les Ukrainiens et les États-Unis pour on va dire, mener cette guerre. Vincent, je sais que je parle pas du fond, hein, sur les idées de Douguine, mais est-ce que cette attaque qui est inédite dans le conflit, en fait, le recours au terrorisme en fait, hein, de la part de l'Ukraine, bon, on sait que c'est l'Ukraine, voilà, pour toi inspire quelque chose? Est-ce que tu te dis, tiens, là il y a un signal qui me dit que il y a une inflexion dans le conflit? Alors, ben, moi, je ne sais pas, parce que il y a eu donc cet attentat qui, en effet, porte certaines marques, parce que je vous rappelle que notamment les ingénieurs nucléaires iraniens ont été victimes d'attentats similaires. Le procédé était un tout petit peu différent, c'est-à-dire qu'une moto doublait la voiture, posait une mine magnétique sur la porte, et la mine magnétique explosée dans les quelques secondes, tuant l'ingénieur dans le nucléaire. Et je rappelle qu'à Téhéran, il y a un musée où on voit encore les carcasses des voitures avec les portes complètement détruites, avec un énorme trou, la tôle complètement froissée, dû à ces mines magnétiques. Je l'ai visité personnellement, hein, quand j'étais en Iran. Et j'ai même rendu visite à la veuve et à la fille d'une épouse d'un de ces ingénieurs nucléaires qui a été assassiné comme ça. Donc en effet, ça sent l'attentat qui n'est pas fait par des amateurs. Ça sent l'attentat qui n'est pas fait par des amateurs. Qu'est-ce qu'il y a derrière cet attentat? C'est assez compliqué. Est-ce un véritable attentat, c'est-à-dire qui aurait été fomenté par des adversaires de la Russie, pardon? Est-ce une provocation? Est-ce un règlement de compte? C'est extrêmement délicat à dire. Mais là, j'abonde dans ton sens. Personnellement, j'ai toujours réprouvé les méthodes terroristes violentes qui peuvent impliquer la mort de gens. Parce que c'est vraiment un aspect très sale de la guerre. Et là, on arrive à des choses où, en effet, voilà, si l'État, si vraiment c'est un attentat qui vient d'ennemis de la Russie, quoi qu'on pense de la Russie, c'est pas grave, l'État doit rétorquer. Et je remarque que, par exemple, sous l'occupation, et encore une fois, l'histoire nous enseigne des choses, sous l'occupation, les premiers attentats qui ont été commis contre des soldats allemands par des communistes étaient organisés justement pour susciter des représailles. Et l'Allemagne était obligée d'en faire pour des raisons, un, de prestige et deux, de maintien de l'ordre. Et grâce à ces, enfin, ou à cause, ou grâce à ces représailles, après, il y a pu y avoir un mouvement anti-occupation qui n'existait pas au début de l'occupation. Donc, on arrive à des méthodes de guerre qui sont extrêmement dommageables, parce qu'en général, ce sont d'autres civils qui vont en pâtir, soit parce qu'il y aura des bombardements en rétorsion, soit parce qu'il y aura des exécutions d'otages, des choses comme ça. Et nous voyons encore une fois, quand des méthodes qui sont contraires au droit international sont appliquées, on en termine toujours par des choses terribles. Et j'en terminerai avec ça, ce qui m'affole le plus dans cette affaire, c'est que l'on va encore une fois, même si par exemple la Russie, qu'on n'aime pas en France, rétorque en disant bah oui, mais on est obligé eux de rétorquer, eh bien, ce sera ces représailles qui seront justice, qui seront condamnées, mais tout en oubliant le premier attentat. C'est-à-dire que ce sera toujours la même technique. On dira, l'attentat a eu lieu le 20 août, mais le procès commence le 21 août. À partir du 21 août, la Russie a fait ci, a fait ça, c'est pas bien du tout. Et quand on dira, ah oui, mais il y a eu un attentat, non, le procès commence le 21 août. C'était exactement le principe du procès de Nuremberg. Le procès commence à telle date. Avant, non, il n'y a rien qui s'est passé. On était dans un monde qui n'existait pas. Et voilà, et vous avez fait ci, ça, mais non, ce qui s'est passé avant, ça ne vous intéresse pas. Donc tout ce qui était rétorsion, représailles, légitimes d'ailleurs, et même autorisées par le droit international, ça devenait des assassinats. Et encore une fois, j'espère que ça ne se passera pas comme ça, mais j'ai de fortes craintes qu'encore une fois, le peuple se laisse avoir par ces méthodes. Bien sûr, oui, ça risque de déborder en quelque sorte. Hein. Ah mais oui, ça déborde toujours. Hein. Et puis, comme on excuse tout au principe que c'est pour la démocratie, puisqu'on peut balancer des bombes atomiques sur des villes au nom de la démocratie, on excuse tout. Et c'est toujours l'ennemi qui est coupable. La rhétorique qui venait un petit peu auparavant, juste quelques heures avant l'attentat, c'était du gouvernement ukrainien. Il disait, non seulement les Russes doivent payer, mais leurs enfants devront payer et leurs petits-enfants devront payer. Ah bah oui, alors, nous sommes dans la continuité. Hein. On rentre dans une logique, oui, c'est une logique juive, hein. C'est-à-dire, d'ailleurs c'est ce qui se passe en France, hein. Les gens sont là, quand je dis ça, peut-être qu'il y a certains qui disent, oui, effectivement, c'est quoi ce type de langage? C'est le type de langage qui vous est appliqué, chers auditeurs. Quand vous écoutez la LICRA, le CRIF, Arnaud Klarsfeld, les parents Klarsfeld, Macron reprenant cette rhétorique, et d'une manière générale, toute la matrice juive qui contrôle la France, on vous explique exactement ça. Oui, les soi-disant coupables doivent payer, les enfants doivent payer, les petits-enfants doivent payer. C'est-à-dire que c'est héréditaire, la culpabilité est héréditaire, n'est-ce pas ? C'est pas ce qui perpètre les faits allégués, réels ou supposés. C'est les accusations ont vocation à être portées aussi contre la descendance. C'est ce que disaient hier exactement les autorités ukrainiennes. Donc, et là, vous voyez la fille de Douguine, etc., alors qui était une activiste, enfin bon, de faible envergure, quand même, il faut remettre les choses dans leur contexte, vous les voyez faire ça. Bon, si vous voulez, on rentre là dans une logique, si vous voulez, qui est une logique génocidaire. Bah, rappelez-vous, enfin, il y a qu'à voir, tout est dit dans la Torah, à savoir que les Juifs ont été ont estimé avoir été humiliés par les Égyptiens. En réponse, Dieu attaqua tous les premiers-nés d'Égypte. Donc tout est dit là-dedans. C'est un peuple qui a. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est la logique qu'il y a derrière, tu vois. Ah oui, non, mais moi, non, mais je c'est la logique. C'est la logique. Ça veut tout dire. Quand je lis ça, si tu veux, j'ai l'impression de lire les intellectuels juifs qui parlent de l'Holocauste, si tu veux, quoi. C'est pour, de toute façon, c'est ça, hein, je veux dire, franchement, l'Ancien Testament, c'est ça, hein, c'est... Oui, voilà, ça, parce que c'est même pas dans la Torah, hein, c'est dans l'Ancien Testament. C'est l'Ancien Testament, c'est vrai. Franchement, c'est marrant, tu lis l'Ancien Testament, t'as l'impression de lire. Elie Wiesel. Mais Elie Wiesel. Ah, Elie Wiesel. Mais voilà, c'est ça, mais Elie Wiesel. Mais dans l'Ancien Testament, il y a déjà Elie Wiesel en train d'écrire l'Ancien Testament. C'est la même chose. C'est les mêmes. Oui, et Nogaré a tout à fait raison. C'est une succession de massacres de peuples. Puis alors, on voit bien Yahvé qui va jusqu'au bout. Parce qu'à un moment, quand ils vont conquérir une ville, les Hébreux, ceux qu'on dit avec les Hébreux, et Yahvé leur dit que de toute façon après le peuple va fuir, les vaincus vont fuir, mais qui va générer des frelons pour même les tuer quand ils se seront réfugiés dans des grottes ou des anfractuosités. Je veux dire, c'est tout à fait terrible. Mais c'est de l'acharnement. Et les sept plaies d'Égypte, pardonnez-moi, j'entame juste avec ça, les sept plaies d'Égypte sont d'autant plus atroces comme histoire, c'est qu'en effet, le peuple est touché, le peuple entier est touché, alors que normalement la faute ne revient qu'au pharaon. C'est le pharaon qui prend la décision. Mais en plus, ça va encore plus loin dans l'illogisme, parce qu'il est bien dit que c'est Yahvé qui aveugle le pharaon. Donc, si on comprend bien l'histoire et relisez l'histoire des sept plaies d'Égypte, vous verrez, c'est fantastique, enfin fantastique horrifiant. C'est Yahvé aveugle le pharaon prend seul une décision contre les Hébreux, et c'est tout le peuple qui paye. Mais l'histoire des sept plaies d'Égypte, il faut la lire. C'est extraordinaire. Ah oui, il faut la lire pour comprendre le bolchevisme, il faut la lire. Oui, tout à fait, ça explique beaucoup de choses. Oui, je confirme. La relecture de l'Ancien Testament à la lumière du bolchevisme, il faut le faire. Oui, d'Abraham à Trotsky. Oui, c'est ma ligne. Oui. C'est pour ça que Dieu va frapper tous les enfants russes. Voilà. Ah ben, moi j'écoute Bernard Lévy, j'écoute Glucksmann, je vois des prophètes, ils prophétisent l'apocalypse sur la Russie. Alors, si vous voulez, on terminera là-dessus. Donc, Poutine, en fait, il faut comprendre que Poutine n'est pas un radical, c'est lui qui retient la main des Russes. Les gens ne comprennent pas ça, toute la propagande occidentale fonctionne sur le mode inverse, propagande occidentale qui est tenue par les Juifs. Donc ils disent l'inverse, ils disent Poutine c'est le grand démon hein, qui excite à la haine. Non, c'est l'inverse. Poutine retient la main. Quand les Russes auront intégralement repris contrôle de leur État, et que Poutine sera mis sur la touche, entre guillemets, là, les Juifs vont découvrir ce que c'est que vraiment avoir affaire à un ennemi qui veut leur tête. Poutine est philo-sémite. Celui qui succédera à Poutine ne sera pas philo-sémite, sauf s'ils parviennent par un miracle à coller un juif au Kremlin. En dehors de ça, ils auront une très mauvaise surprise. Très mauvaise surprise. Ce qui explique, à mon avis, beaucoup, la haine, mais vraiment obsessionnelle des juifs pour la Russie. Je crois qu'ils sentent que, voilà, donc, Je le dis, les Juifs vont regretter Vladimir Poutine. Bernard Lévy va regretter Vladimir Poutine. Et quand les Russes sûr que si on regarde, ça va être méchant. Hein. Ça va être très très méchant. Si très, on... très méchant. Si on regarde le principal opposant de Poutine en Russie, là, Zyuganov, je crois, un truc comme ça, le type, il est beaucoup plus dur. Hein. Le type, il explique clairement que Poutine est un mou et qu'il n'a aucune envergure, et que si c'était demandé qu'à lui, ils auraient déjà marché sur Berlin, tu vois, donc... On a besoin du retour de cette culture antisémite russe très ancienne pour vraiment s'attaquer au cœur du problème. Moi, c'est ça que je reproche en fait à Vladimir Poutine plus que tout le reste. C'est en fait, il défie le sémite. C'est un énorme problème. C'est un énorme problème. Bon, c'est comme ça, c'est la donne. Hein. Mais son successeur, je veux le croire, ne sera pas du tout sur la même ligne. Et il y aura un durcissement très net contre cette juiverie qui empoisonne le monde depuis beaucoup trop longtemps. Je vous dis à la semaine prochaine, chers amis. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.